France Culture présente Maison de poupée d'Henrik Ibsen dans la traduction du conte Prosor. Avec dans les rôles d'Elmer, François Chaumette, Nora, Ludmila Michael, le docteur Rank, Jean-Paul Moulineau, Madame Lindé, Claude Winter, Krogstad, Renaud Marie, direction artistique, Bronislav Horowitz. Tout cela? Oh. Le petit étourneau a-t-il de nouveau trouvé moyen de dépenser un tas d'argent? Mais oui, Thorvald, cette année nous pouvons bien faire un peu plus de dépenses. C'est le premier Noël où nous ne soyons pas forcés d'économiser. Oui, oui, mais nous ne devons pas être prodigues. Oh si, Thorvald, un peu. Un tout petit peu, n'est-ce pas? Maintenant que tu toucheras un gros traitement et que tu gagneras beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, à partir de la nouvelle année, mais encore s'écoulera-t-il un trimestre avant que je touche quoi que ce soit. Qu'est-ce que cela fait? En attendant, nous pouvons emprunter. Nora, Nora, tu es une vraie femme. Non, sérieusement, Nora, tu connais mes idées à ce sujet. Pas de dette, jamais d'emprunt. Il s'introduit une sorte d'esclavage, quelque chose de laid. Dans toute maison fondée sur des dettes et des emprunts. Nous avons tous les deux tenu bon jusqu'à présent. Nous continuerons à le faire durant le peu de temps d'épreuve qui nous reste. C'est bien. Comme tu voudras, Thorvald. Allons, allons, allons. L'alouette ne doit pas traîner l'aile. Quoi? Ne voilà-t-il pas le petit écureuil qui boude? Nora, Nora, que crois-tu que j'ai là-dedans? De l'argent? Tiens. Oh mon Dieu, je comprends qu'il y ait beaucoup de dépenses dans un ménage aux environs de Noël. 10, 20, 30, 40. Merci, Thorvald. J'irai loin avec cela. Il le faudra bien. Je n'y manquerai pas. Tu peux y compter. Mais viens ici. Je vais te montrer tout ce que j'ai acheté. Et si bon marché? Tiens, voici de nouveaux habits pour Ivar. Oui. Et un sabre. Voici un cheval avec une trompette pour Bob. Et une poupée avec un lit pour Amy, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, elle les abîme si vite. Et voici des tabliers et des étoffes pour les bonnes. La vieille Anne-Marie devrait avoir bien plus que cela. Et ce paquet-là qui... Non, Thorvald, tu ne verras cela que ce soir. Ah bien, bien, bien, bien. Oui. Mais dis-moi, petite gaspilleuse, qu'est-ce qui te plairait à toi-même? Est-ce que je me soucie de quelque chose, moi? Je le croirais volontiers. Et demande-moi quelque chose de raisonnable qui te tente. C'est vraiment pas. Ou plutôt, écoute, Thorvald. Voyons. Si tu voulais me donner quelque chose, tu pourrais... Voyons. Tu pourrais me donner de l'argent, Thorvald. Oh, rien qu'une petite somme, ce dont tu peux disposer. Un de ces jours, je m'achèterai quelque chose avec Nora... cela. Oh que oui, tu feras cela, cher Thorvald, je t'en supplie. Je suspendrai l'argent à l'arbre dans une belle enveloppe de papier doré. Ne sera-ce pas drôle? Et comment s'appelle l'oiseau qui gaspille sans cesse? Oui, oui, un étourneau, je sais bien. Mais fais comme je te le dis, Thorvald, ça me donnera le temps de réfléchir à quelque chose d'utile. N'est-ce pas raisonnable, dit? Ah, l'étourneau est gentil, mais il lui faut tant d'argent. C'est incroyable ce qu'il en coûte à un homme de posséder un étourneau. Fille, comment peux-tu dire cela? J'épargne vraiment autant que je peux. Oh, pour cela, oui, autant que tu peux, mais tu ne peux pas du tout. Si tu savais seulement, Thorvald, combien nous autres, alouettes et écureuils, nous avons de dépenses. Tu es une singulière petite personne. Absolument comme ton père. Tu as 1000 ressources pour te procurer de l'argent, mais aussitôt que tu l'as, il te coule entre les doigts. Tu ne sais jamais ce qu'il devient. Je voudrais avoir hérité de bien des qualités de papa. Et moi, je te veux absolument telle que tu es, mon alouette chérie. Mais écoute, Oui. Une idée me vient. Tu as aujourd'hui un air... Comment dire ? Un air un peu louche. Moi ? Oui, toi. Regarde-moi bien dans les yeux. La petite gourmande n'aurait-elle pas fait quelque escapade en ville ? Non, pourquoi dis-tu cela ? La petite gourmande n'a vraiment pas mis le nez dans la confiserie ? Oh non, je t'assure. Pas un soupçon de confiture ? Pas du tout. Pas grignoté une ou deux pralines ? Non, Thorvald, je t'assure que non. Alors, je plaisante. L'idée ne me viendrait pas de faire quelque chose qui te déplut. Tu peux en être bien sûr. Mais non, je le sais bien, ne m'as-tu pas donné ta parole ? Allons, garde tes petits mystères de Noël pour toi, Manora, chérie. Ils seront démasqués ce soir quand on aura allumé l'arbre. Oh, as-tu songé à inviter le docteur Rank à dîner ? Non, mais cela va de soi. D'ailleurs, je l'inviterai tout à l'heure, quand il viendra. J'ai commandé du bon vin. Ah, Nora, tu ne peux pas t'imaginer quelle fête je me fais de cette soirée. Moi aussi. Est-ce que les enfants auront de joie, Thorvald ? Oh, ça fait du bien de penser qu'on est arrivé à une situation stable, assurée, qu'on est largement pourvu. N'est-il pas vrai ? C'est un grand bonheur que d'y songer. C'est merveilleux. Oh, maintenant, oui. Je vais te raconter comment j'ai pensé à nous arranger, Noël une fois passé. Ah. On sonne, quelqu'un vient... Quel ennui! Si c'est une visite, souviens-toi que je n'y suis pour personne. Madame, une dame vous demande. Faites entrer. Le docteur est entré en même temps. Il a passé dans mon cabinet? Oui, monsieur. Bonjour, Nora. Bonjour. Tu ne me reconnais pas? En effet. Je ne sais pas. Mais oui, il me semble. Oh, Christine, mais c'est toi ! Oui, c'est bien moi. Christine, moi qui ne te reconnaissais pas, mais... Oh, mais comment l'aurais-je pu ? Comme tu es changée, Christine. C'est certain. Depuis 9, 10 longues années. Y a-t-il vraiment si longtemps que nous nous sommes vus ? Oh, mais oui, c'est bien cela. Oh, ces 8 dernières années, quelle époque heureuse, si tu savais. Et te voilà en ville. Tu as fait ce long voyage en plein hiver. C'est bien courageux à toi. Je suis arrivée avec le bateau ce matin. Pour passer les fêtes de Noël, naturellement. Quelle joie! Nous allons bien nous amuser. Mais ôte donc ton manteau. Tu n'as pas froid, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, maintenant, nous allons nous asseoir commodément devant la cheminée. Ah non, non, non, mets-toi dans ce fauteuil. Moi, je prends la chaise à bascule. C'est ma place. Voilà que tu as repris ton ancienne figure. Ce n'est qu'au premier instant, tu sais. Pourtant, tu es un peu pâle, Christine, et un peu maigrie aussi. Et beaucoup, beaucoup vieillie, Nora. Oui, un peu. Un tout petit peu, peut-être, mais pas beaucoup. Oh, quelle folle je suis. Je reste là, babillée. Oh, ma chère, ma bonne Christine, peux-tu me pardonner ? Que veux-tu dire, Nora ? Pauvre Christine, tu es veuve. Oui, depuis 3 ans. Je le savais, je l'avais lu dans les journaux. Christine, tu peux me croire, j'ai souvent pensé à t'écrire à cette époque. Seulement, je remettais la lettre de jour en jour, et puis il survenait quelque empêchement. Pauvre amie, par quelles épreuves tu as dû passer? Il ne t'a pas laissé de quoi vivre? Non. Et pas d'enfant? Non plus. Rien du tout, alors? Pas même un deuil au cœur. Un de ces regrets qui occupent. Mais voyons, Christine, comment est-ce possible? Ça arrive quelquefois, Nora. Seule au monde, comme cela doit te peser. Moi, j'ai 3 jolis bébés. Tu ne peux pas les voir pour le moment. Ils sont sortis avec leur bonne. Mais maintenant, tu vas tout me raconter. Non, plus tard. Commence d'abord. Non, non, à toi de parler. Aujourd'hui, je ne veux pas être égoïste. Je ne veux penser qu'à toi. Oui, il y a pourtant une chose qu'il faut que je te dise. Sais-tu le grand bonheur qui nous est arrivé ces jours-ci? Non, qu'est-ce que c'est? Songe donc, mon mari a été fait directeur de la banque. Ton mari? Oh, quelle chance. N'est-ce pas? C'est si précaire d'être avocat, surtout quand on ne veut se charger que de bonnes et belles causes. Et c'était là, naturellement, le cas de Thorvald, dans quoi je l'approuve entièrement. Tu penses, si nous sommes heureux. Il doit occuper son poste dès la nouvelle année. Alors, il aura un grand traitement et de nombreux bonus. Alors, nous vivrons tout autrement qu'avant, absolument à notre guise. Christine, que je me sens heureuse et le cœur à l'aise. Nora, Nora, n'es-tu pas encore raisonnable à l'heure qu'il est? À l'école, tu étais une grande gaspilleuse. Oui, Thorvald prétend que je le suis encore. Mais Nora, Nora, n'est pas si folle que vous le pensez. Or, je n'ai vraiment pas eu grand-chose à gaspiller jusqu'à présent. Il nous a fallu travailler, tous les deux. Toi aussi? Oui, de petites choses, des ouvrages à la main, du crochet, la broderie, etc. Et autre chose encore. Tu sais que Thorvald a quitté le ministère quand nous sommes mariés. Il n'avait pas d'avancement à espérer dans son bureau. Et il lui fallait gagner plus d'argent qu'avant. Mais la première année, il s'est terriblement surmené. Tu comprends, il devait chercher toutes sortes d'occupations supplémentaires et travailler du matin au soir. Cela dépassa ses forces. Il tomba gravement malade, alors les médecins déclarèrent qu'il devait aller dans le Midi. Non, mais c'est vrai. Vous êtes resté un an en Italie. Oui. Ça ne fut pas facile de partir. Comme tu peux bien le penser, Ivar venait de naître. Mais bien entendu, il le fallait. Ça a été merveilleusement beau, ce voyage. Et il a sauvé la vie à Thorvald. Mais ce qu'il a coûté d'argent, Christine. Je puis me le figurer. 1200 écus, 4800 couronnes. C'est de l'argent, cela. Oui. Et dans un cas pareil, c'est un grand bonheur que de l'avoir. Je vais te dire, c'est papa qui nous l'a donné. Ah, bien. C'était juste à l'époque où ton père est mort, il me semble. Oui, Christine, juste à cette époque, et pense donc. Je n'ai pas pu aller le soigner, j'attendais tous les jours la naissance du petit Ivar et mon pauvre Thorvald mourant, qui avait besoin de mes soins. Et ton mari est revenu, entièrement remis? Il se portait comme un charme. Mais ce médecin... Que veux-tu dire? Je me souviens que la bonne a annoncé un docteur en faisant entrer un monsieur en même temps que moi. Le docteur Rank? Ah oui, il ne vient pas au médecin, c'est notre meilleur ami. Il vient nous voir au moins une fois par jour. Mon Dieu, Christine, que c'est donc bon et délicieux de vivre et d'être heureux. Oh, mais c'est affreux. Je ne parle que de mes propres affaires. Tu ne m'en veux pas. Dis-moi, est-ce bien vrai que tu n'aimais pas ton mari? Pourquoi l'as-tu épousé dans ce cas? Ma mère était encore en vie, malade et sans soutien. Puis j'avais mes deux petits frères à ma charge. Je ne me suis pas crue en droit de refuser sa demande. Non, non, je suis sûre que tu as eu raison. Il était donc riche à cette époque? Il était, je crois, très à son aise. Mais c'était une fortune mal équilibrée. À sa mort, tout a fondu, il n'est rien resté. Alors? J'ai dû me tirer d'affaire à l'aide d'un petit négoce. Une petite école que j'ai dirigée, que sais-je. Les trois dernières années n'ont été pour moi qu'une longue journée de travail sans repos. Maintenant, elle est finie, Nora. Ma pauvre mère n'a plus besoin de moi. Elle s'en est allée. Les garçons non plus, ils sont en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Comme tu dois te sentir soulagée. Non, Nora. Je ne sens qu'un vide insupportable. Plus personne pour qui se dévouer. Mais c'est vrai que je suis heureuse et fière en songeant que grâce à moi, les derniers jours de ma mère ont été tranquilles. Et tu es fière aussi en songeant à ce que tu as fait pour tes frères. Il me semble que j'ai le droit de l'être. C'est bien ce que je pense. Maintenant... Je vais te raconter quelque chose, Christine. Moi aussi, j'ai un sujet de joie et d'orgueil. Oui, écoute. Moi aussi, je puis être fière et heureuse. C'est moi qui ai sauvé la vie de Thorvald. Sauvée? Comment sauvée? Je t'ai parlé, n'est-ce pas, du voyage en Italie. Thorvald n'aurait pas vécu s'il n'avait pas pu aller dans le Midi. Eh bien, ton père vous a donné l'argent nécessaire. Oui, c'est ce que croit Thorvald et tout le monde, mais... Mais? Papa ne nous a pas donné un centime. C'est moi qui procurais l'argent. Toi? Une si grande somme? 1200 écus, 4800 couronnes. Qu'en dis-tu? Mais Nora, comment as-tu fait cela? Où les as-tu pris? Elle n'aurait jamais pu les emprunter. Et pourquoi cela? Parce qu'une femme mariée ne peut pas emprunter sans le consentement de son mari. Oh, quand il s'agit d'une femme un peu pratique, une femme qui sait s'y prendre, adroitement. Oh. Nora, je n'y suis pas du tout. Tu n'as pas besoin de comprendre. Il n'est pas dit que j'ai emprunté cet argent. J'ai pu me le procurer d'une autre façon. J'ai pu l'avoir reçu d'un adorateur, quoi. Avec mes attraits. Oh, folle que tu es. Avoue que tu es terriblement curieuse. Et dis-moi, chère Nora, n'as-tu pas agi à l'étourdie? Est-ce une étourderie que de sauver la vie à son mari? Ce que je crois une étourderie, c'est qu'à son insu... Mais justement, il ne devait pas savoir. Mon Dieu, ne comprends-tu donc pas? Il ne devait pas connaître la gravité de son état. Crois-tu que je n'ai pas essayé de ruser? Je lui disais combien je serais heureuse d'aller voyager à l'étranger, comme les autres jeunes femmes. Je pleurais, je suppliais, je lui disais qu'il devait bien songer à la position dans laquelle j'étais, se plier à mon désir. Enfin, je donnais à entendre qu'il pourrait bien contracter un emprunt. Mais alors, Christine, il fut tout prêt de s'emporter. Il me dit que j'étais une étourdie et que c'était son devoir de mari de ne pas obéir à mes fantaisies, à mes caprices. Bon, pensais-je, on le sauvera, coûte que coûte. Et c'est alors que je trouvais un expédient. Mais ton mari n'a pas appris par ton père que l'argent ne venait pas de lui? Jamais. Quelle humiliation que d'apprendre qu'il me devait quelque chose. Tu ne lui en parleras jamais? Si. Peut-être avec le temps, après de longues, longues années, quand je ne serai plus aussi jolie qu'à présent. Non, ne ris pas. Je veux dire, quand Thorvald ne m'aimera plus autant, quand il n'aura plus de plaisir à me voir danser, me travestir et déclamer pour lui, alors il sera bon peut-être d'avoir sur quoi se rabattre. Bah, ce jour ne viendra jamais. Eh bien, Christine, mon grand secret, qu'en dis-tu? Moi aussi, je suis bonne à quelque chose. Tu peux croire que cette affaire m'a causé beaucoup de soucis. J'ai dû économiser un peu sur tout. Sur le ménage, je n'ai pu rogner que peu de choses. Il fallait que Thorvald vécût commodément. Les enfants non plus ne pouvaient pas être mal habillés. Tout ce que je recevais pour eux me semblait leur revenir. Les chers petits anges. C'est donc sur tes dépenses personnelles que tu as dû prélever tout ça? Pauvre Nora. Naturellement, du reste, ce n'était que justice. Chaque fois que Thorvald me donnait de l'argent pour ma toilette, je ne dépensais que la moitié. J'achetais toujours ce qu'il y avait de moins cher. Et j'ai encore d'autres revenus. L'hiver dernier, j'ai eu la chance de trouver beaucoup de copies. Alors je m'enfermais, j'écrivais bien avant, dans la nuit. Ou souvent j'étais fatiguée. Et souvent je ne savais plus où donner de la tête. Alors je me représentais qu'un vieux monsieur très riche était tombé amoureux de moi. Quoi? Quel monsieur? Oh, des bêtises! Qu'il mourait et qu'en ouvrant son testament, voyait écrit en grandes lettres « Tout mon argent revient à la charmante Madame Nora Elmer et lui sera versé sur le champ. » Mais chère Nora, quel est ce monsieur? Mon Dieu, ne comprends-tu donc pas? Le vieux monsieur n'existe pas. C'est seulement une idée qui me revenait sans cesse quand je ne voyais aucun moyen de me procurer de l'argent. Du reste, c'est bien indifférent maintenant. Je suis tranquille à l'heure qu'il est. Oh mon Dieu, quel charme que d'y penser, Christine. Tranquille, pouvoir être tranquille, tout à fait tranquille. Jouer avec les enfants, arranger sa maison gentiment, avec goût, comme Thorvald veut l'avoir. Oh, je dois partir peut-être. Non, reste, il ne viendra personne, c'est probablement pour Thorvald. Pardon, madame, il y a un monsieur qui veut parler à l'avocat. Au directeur, veux-tu dire? Au directeur, oui. Mais comme le docteur est là, je ne savais pas. C'est moi, madame. Vous? Qu'y a-t-il? Que voulez-vous dire à mon mari? C'est au sujet de la banque. Oui, j'y ai un petit emploi et j'entends dire que votre mari va devenir notre chef. C'est vrai? Rien que d'ennuyeuses affaires, madame. Pas autre chose. Donnez-vous alors la peine d'entrer au bureau. Merci. Nora, qui est cet homme? C'est l'avocat Krogstad. Ainsi, c'était lui. Tu le connais? Je l'ai connu il y a bien des années. Il a été pendant quelque temps procureur chez nous. Oui, c'est juste. Comme il est changé. Il a été, je crois, très malheureux en ménage. Il est veuf maintenant, n'est-ce pas? Oui, avec un tas d'enfants. On dit qu'il s'occupe de toutes sortes d'affaires. Vraiment? C'est possible, je n'en sais rien. Mais ne parlons pas d'affaires, c'est si ennuyeux. Non, non, je ne veux pas te déranger, j'entrerai plutôt un instant chez ta femme. Pardon, je dérange également ici. Mais parle-moi du monde. Je vous présente le docteur Rank, Madame Linde. Madame, je crois vous avoir dépassé sur l'escalier en venant. Oui, je monte difficilement les escaliers. Ah, un peu usé à ce que je vois. Ou plutôt surmené. Pas autre chose? Alors vous êtes probablement venue en ville pour vous reposer en courant les fêtes. Je suis venue en ville pour chercher de l'ouvrage. Serait-ce là un remède efficace contre le surmenage? Il faut bien vivre, docteur. Oui, c'est une opinion générale. On trouve cela nécessaire. Oh, docteur, je suis sûre que vous-même, vous tenez beaucoup à vivre. Mais bien sûr que j'y tiens. Misérable comme je suis, je veux absolument souffrir aussi longtemps que possible. Tous mes patients ont le même désir. Et c'est également l'avis de ceux qui ont le moral attaqué. Juste en ce moment, j'ai laissé l'un d'eux chez Elmer, un homme en traitement. Il y a des hôpitaux pour ces malades-là. Ah, que voulez-vous dire? Bon, je vous parle de l'avocat Krogstad, un homme que vous ne connaissez pas. Il est pourri jusqu'aux os. Eh bien, lui aussi affirme comme une chose de la plus haute importance qu'il lui faut vivre. Vraiment? Et de quoi parlait-il avec Elmer? Il ne sait vraiment pas. J'ai seulement entendu que cela sera porté à la banque. Je ne savais pas que ce monsieur Krogstad avait affaire avec la banque. Non, si fait. On lui a trouvé une sorte d'emploi. Dites-moi, docteur, tous ceux qui ont des emplois dans la banque dépendront à l'avenir de Thorvald? C'est cela qui vous amuse tant? Ne faites pas attention, non, mais c'est si amusant, si incroyable que nous, que Thorvald ait maintenant une telle influence et sur tant de monde. Docteur, voulez-vous des pralines? Tiens, des pralines, mais je croyais que c'était de la contrebande ici. Oui, mais celle-ci, Christine me les a données. Moi? Allons, allons, ne t'effraie pas, tu ne pouvais pas savoir que Thorvald me l'a défendue. Je vais te dire, il craint pour mes dents, mais bon, une fois n'est pas coutume. N'est-ce pas, docteur? Quelle folle vous faites. Voyons, Nora. Oh, vous pouvez le dire. Et le voici. Attention, les pralines. Ah, eh bien, cher Thorvald, tu as réussi à t'en débarrasser? Oui, oui, oui, elle vient de partir. Puis-je te présenter? Bien. C'est Christine qui est venue en ville. Christine, pardonnez-moi, mais je ne sais vraiment pas... Madame Linde, mon cher. Ah. Christine Linde. Oh, très bien, très bien. Probablement une amie d'enfance de ma femme. Oui, nous nous sommes connus autrefois. Et pense donc, elle a fait ce long voyage pour me parler. Comment cela? Oh, pas uniquement. Vois-tu, Christine est si adroite pour le travail de bureau. Et puis, elle meurt d'envie d'être sous les ordres d'un homme supérieur et d'acquérir encore plus d'expérience. C'est fort raisonnable à vous, madame. Et alors, quand elle a appris que tu étais devenu directeur de la banque, une dépêche l'a annoncé, elle s'est tout de suite mise en chemin. N'est-ce pas, Thorvald? Pour me faire plaisir, tu feras bien quelque chose pour Christine. Et ce n'est pas du tout impossible. Madame est probablement veuve. Oui. Et vous avez l'habitude du travail de bureau? Oui, assez. Alors, il est très probable que je pourrais vous procurer une place. Ah, tu vois bien. Vous êtes venue au bon moment, madame. Oh, comment vous remercier? Non, non, n'en parlons pas. Et aujourd'hui, il faudra m'excuser. Mais attends, attends, Elmer, je t'accompagne. On ne reste pas longtemps, Thorvald. Une heure, pas plus. Tu pars aussi, Christine? Il faut que j'aille à la recherche d'un logement. Nous pourrons faire un bout de chemin ensemble, si vous voulez. C'est bien ennuyeux que nous demeurions si à l'étroit, mais il nous est vraiment impossible. Bon, quoi penses-tu? Au revoir, chère Nora. Et merci. Au revoir. Mais ce soir, tu reviendras, bien entendu. Et vous aussi, docteur. Oh, comment? Si vous allez assez bien, que ça dit? Emmitouflez-vous seulement. Bon, je t'en vais. Sortons, monsieur. Et dites-moi, madame Linde, excusez-moi, madame Elmer. Que voulez-vous ici? La porte d'entrée était ouverte. Quelqu'un aura oublié de la fermer. Mon mari n'est pas à la maison, monsieur Krogstad. Je le sais. Alors, que voulez-vous? Vous dire un mot. Aujourd'hui? Mais nous ne sommes pas encore au premier du mois. Non, non, nous sommes à la veille de Noël. Et il dépendra de vous que Noël vous apporte la joie ou le chagrin. Que désirez-vous? Aujourd'hui, cela m'est vraiment impossible. Jusqu'à nouvel ordre, nous ne parlerons plus de cela. C'est de toute autre chose qu'il s'agit. Puis-je vous poser une question? Cette dame était bien Madame Linde, n'est-ce pas? Oui. Elle vient d'arriver en ville. Oui, aujourd'hui même. C'est une amie à vous? Oui, mais je ne saisis pas. Moi aussi, je l'ai connue autrefois. Je le sais. Vraiment, vous êtes au courant. Je le pensais bien. Permettez-moi alors de vous demander si Madame Linde va avoir une place à la banque. Comment osez-vous m'interroger à ce sujet, Monsieur Krogstad? Vous qui êtes le subordonné de mon mari? Mais puisque vous le demandez, je vais vous le dire. Oui, Madame Linde aura une place à la banque. Et ce sera grâce à moi, Monsieur Krogstad. Maintenant, vous êtes au courant. Ainsi, j'avais deviné juste. On a un peu d'influence, je pense. Madame Elmer, auriez-vous la bonté d'user de votre influence en ma faveur? Comment? Mais que signifie? Voudriez-vous avoir la bonté de faire en sorte que je garde ma modeste place à la banque? Que voulez-vous dire? Qui songe à vous l'enlever? Oh, c'est inutile de jouer l'ignorante. Je comprends fort bien que votre ami n'aime pas à me rencontrer et je sais maintenant à qui je dois d'être chassé. Mais je vous assure que... Enfin, en deux mots, il est encore temps. Et je vous conseille d'user de votre influence pour empêcher cela. Mais Monsieur Krogstad, je n'ai aucune influence. Comment? Mais il me semble que vous disiez tout à l'heure... Mais c'était évidemment pas dans ce sens. Comment pouvez-vous croire que j'ai un pareil pouvoir sur mon mari? Oh, je connais votre mari depuis que nous avons été étudiants ensemble et je ne crois pas, monsieur le directeur de la banque, plus ferme que d'autres hommes mariés. Si vous parlez avec dédain de mon mari, je vous mets à la porte. Oh, madame est courageuse. Je ne vous crains plus. Une fois le nouvel an passé, je ne tarderai pas à me libérer. Écoutez-moi bien, madame. Si cela devient nécessaire, je combattrai pour garder mon petit emploi comme s'il s'agissait d'une affaire de vie et de mort. En effet, cela en a tout l'air. Non, ce n'est pas seulement à cause du revenu, ce n'est pas là l'important. Il y a autre chose. Enfin, je vais tout vous dire. Vous savez naturellement, comme tout le monde, que j'ai commis une imprudence. Il y a de cela bon nombre d'années. Je crois en avoir entendu parler. L'affaire n'est pas venue en justice, mais à l'instant, tous les chemins me furent fermés. Je débutais alors dans les sortes d'affaires que vous savez. Il fallait bien trouver quelque chose et j'ose dire que je n'ai pas été plus mauvais que d'autres. Mais maintenant, je veux sortir de là. Mes fils grandissent et à cause d'eux, je dois recouvrer autant de considération que possible. Ce poste à la banque était pour moi le premier échelon et voici que votre mari veut m'en faire descendre et retomber de nouveau dans la boue. Mais au nom de Dieu, Monsieur Krogstad, il n'est pas en mon pouvoir de vous venir en aide. C'est la volonté qui vous manque? Alors j'ai des moyens pour vous forcer à agir. À l'époque de la maladie de votre mari, vous êtes venu chez moi pour emprunter 1200 écus. Je ne connaissais personne d'autre. Je promis alors de vous procurer la somme. Et vous l'avez procurée? Je promis de vous procurer la somme à certaines conditions. Mais vous étiez alors si préoccupé de la maladie de votre mari et si pressé d'avoir l'argent du voyage que je crois que vous n'avez guère fait attention aux détails. Voilà pourquoi il n'est pas de trop de vous les rappeler. Eh bien, je promis de vous procurer l'argent contre un reçu que j'écrivis alors. Oui, et je l'ai signé. Bien. Mais plus bas, j'ai ajouté quelques lignes par lesquelles votre père donnait sa garantie. Ces lignes, il devait les signer. Il devait, dites-vous? Mais il l'a fait. J'avais laissé la date en blanc, cela voulait dire que votre père devait indiquer lui-même la date de la signature. Vous vous souvenez de cela? Oui, je crois, en effet. Très bien. Là-dessus, je vous ai remis le reçu que vous deviez envoyer par la poste à votre père. Enfin, c'est bien ainsi, n'est-ce pas, que cela s'est passé? Oui. Et bien entendu, vous l'avez fait tout de suite, car 5 à 6 jours s'étaient à peine écoulés que vous me rapportiez la quittance avec la signature de votre père. Et alors la somme vous a été livrée? Eh bien oui. N'ai-je pas fait mes paiements avec exactitude? Oui, à peu près. Mais pour revenir à ce que nous disions, C'était là, sans doute, des temps difficiles pour vous, madame. Oui, c'est vrai. Votre père était très malade, je crois. Il était mourant. Il est mort peu après. Oui. Dites-moi, madame Elmer, vous souviendriez-vous par hasard de la date de la mort de votre père? Enfin, je veux dire, du quantième du mois? Papa est mort le 29 septembre. C'est exact, je m'en suis informé. Et voilà pourquoi je ne m'explique pas certaines particularités. Quelles particularités? Je ne sais pas. Ce qu'il y a de particulier, madame, c'est que votre père a signé le reçu 3 jours après sa mort. Pouvez-vous m'expliquer cela? Il est évident aussi que les mots 2 octobre et l'année ne sont pas de l'écriture de votre père, mais d'une écriture que je crois reconnaître. Enfin, cela peut s'expliquer. Votre père aura oublié de dater la signature et quelqu'un l'aura fait au hasard avant d'avoir appris sa mort. Il n'y a pas grand mal à cela. Non, la chose essentielle, c'est la signature elle-même. Elle est bien authentique, n'est-ce pas, madame Elmer? C'est bien votre père qui a écrit son nom, là. Non, ce n'est pas lui. C'est moi qui ai écrit le nom de papa. Madame Elmer, évidemment, vous n'avez pas une idée bien nette de ce dont vous vous êtes rendu coupable. Je puis seulement vous affirmer que l'acte qui a causé la perte de toute ma situation sociale n'était pas plus criminel que celui-là. Vous? Voudriez-vous me faire croire que vous auriez fait quelque chose de courageux pour sauver la vie de votre femme? Les lois ne se préoccupent pas des motifs. En ce cas, ce sont de bien mauvaises lois. Mauvaises ou non, si je montre ce papier à la justice, c'est d'après elle que vous serez jugée. Je n'en crois rien. Une fille n'aurait pas le droit d'épargner à son vieux père mourant des inquiétudes et des angoisses. Une femme n'aurait pas le droit de sauver la vie à son mari. Je ne connais peut-être pas à fond les lois, mais je suis sûre qu'il doit être écrit quelque part que des choses pareilles sont permises. Et vous n'en savez rien, vous qui êtes avocat. Vous me paraissez peu habile comme homme de loi, Monsieur Krogstad. C'est possible. Mais des affaires comme celles que nous traitons ensemble, vous admettez, n'est-ce pas, que je m'y entende? Bien. Faites maintenant comme il vous plaira. Ce que je puis vous affirmer, c'est que si je suis chassé une seconde fois, vous me tiendrez compagnie. Il voulait m'effrayer. Mais je ne suis pas si sotte. Mais... oh non, c'est impossible. Hélène, apporte-moi l'arbre. Puisque je l'ai fait par amour. Oh non, c'est tout à fait impossible. Où dois-je le placer, madame? Ici, au milieu de la chambre. Dois-je encore chercher autre chose? Merci, j'ai ce qu'il me faut. Ici, il faut des bougies. Là, des fleurs. Le vilain homme, des bêtises, tout cela ne signifie rien. Ah, l'arbre de Noël sera beau. Je veux faire tout ce que tu veux, Thorvald. Je danserai pour toi, je chanterai. Ah, oh, tiens, te voilà rentrée. Oui, est-il venu quelqu'un? Ici, non. C'est étonnant, j'ai vu Krogstad sortir de la maison. Ah oui, oui, c'est juste, Krogstad est venu un instant. Je le vois à ta figure, il est venu pour te prier de parler en sa faveur. Oui. Oui, tu devais le faire comme venant de toi, tu devais me cacher qu'il était venu. Enfin, ne t'a-t-il pas demandé ça? Oui, Thorvald, mais je... Nora, Nora, tu as pu agir ainsi. Engager une conversation avec un homme pareil, lui faire une promesse. Et par-dessus le marché, tu m'as fait un mensonge. Moi, un mensonge? Ne m'as-tu pas dit que personne n'était venu? C'est ce que mon petit oiseau chanteur ne doit plus jamais faire. Un oiseau chanteur doit avoir le bec pur pour pouvoir gazouiller juste. Hein? Mmh. Jamais de fausses notes. N'est-il pas vrai? Oui. Eh oui, je le savais bien. Ah, et puis plus un mot de cette affaire, hein? Ah, comme il fait doux et bon ici. Thorvald, je me réjouis énormément d'aller après-demain au bal costumé des Stenborg. Moi, je suis excessivement curieux de la surprise que tu nous prépares. Oh, mais que c'est bête. Quoi? Mais je ne puis trouver de costume qui vaille. Tout est absurde et insignifiant. Thorvald, ne pourrais-tu pas t'occuper de moi et décider de mon costume? Ah, la petite entêtée appelle au secours. Eh oui, Thorvald, je ne puis rien décider sans bien, toi. Bien, bien, bien. On réfléchira, on trouvera quelque chose. Que tu es gentil. Ces fleurs font beaucoup d'effet. Mais dis-moi, est-ce vraiment si terrible ce qu'a fait Krogstad? Il a fait défaut. Comprends-tu ce que cela veut dire? N'a-t-il pas pu être poussé par la misère? Ah oui, on agit par légèreté comme tant d'autres. Non, je ne suis pas assez cruel pour condamner un homme sans pitié sur un seul fait de ce genre. Non! N'est-ce pas, Thorvald? Plus d'un peut se relever moralement à condition de confesser son crime et de subir sa peine. Sa peine? Mais ce chemin, Krogstad ne l'a pas choisi. Il a cherché à se tirer d'affaire avec des expédients et de l'adresse. C'est cela qu'il a moralement perdu. Tu crois? Ben, pense seulement. Un pareil être avec la conscience de son crime doit mentir et dissimuler sans cesse. Il est forcé de porter un masque même dans sa propre famille. Oui, devant sa femme et ses enfants. Quand on songe aux enfants, c'est épouvantable. Pourquoi? Ben, parce qu'une pareille atmosphère de mensonge apporte une contagion et des principes malsains dans toute une vie de famille. Chaque fois que les enfants respirent, ils absorbent des germes de mal. Tu en es sûr? Mais oui, ma chérie. J'ai eu souvent l'occasion de le constater comme avocat. Presque tous les gens dépravés de bonheur ont eu des mères menteuses. Pourquoi justement des mères? Bon, ben, cela provient le plus fréquemment des mères, mais le père agit naturellement dans le même sens. Tous les avocats le savent bien. Et malgré cela, Krogstad, pendant des années, a empoisonné ses propres enfants de son atmosphère de mensonges et de dissimulation. Voilà pourquoi je l'appelle un homme moralement perdu. Et voilà pourquoi ma gentille Nora doit me promettre de ne pas parler en sa faveur. Non, ce n'est pas. C'est impossible. Il faut que ce soit impossible. Les petits réclament absolument de venir trouver leur maman. Ah non, non, non, non, ne les laisse pas venir chez moi. Reste avec eux, Anne-Marie. Mais... Oui. Oui, madame. Dépraver mes petits enfants. Empoisonner la maison. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un est entré. Oh non, il n'y a personne. Oh non, non, ce n'est pas pour aujourd'hui, jour de Noël. Pour demain non plus. Mais peut-être... Ah non, rien dans la boîte aux lettres. Elle est vide. Quelle folie. Sa menace n'était pas sérieuse. Une chose pareille ne peut pas arriver. J'ai 3 petits-enfants. Enfin, j'ai trouvé le carton contenant le costume. C'est bien, mets-le sur la table. Le costume n'est probablement pas en état. Oh, je voudrais le déchirer en 1000 morceaux. Oh que non, il peut facilement être arrangé. Il faut seulement un peu de patience. Oui, je veux aller prier Madame Linde de venir m'aider. Sortir de nouveau par ce mauvais temps, mais Madame prendra froid, tombera malade. Ce ne serait pas ce qui pourrait m'arriver de pire. Comment vont les enfants? Les pauvres petits jouent avec leurs cadeaux de Noël, mais... Parlent-ils souvent de moi? Ils sont si habitués à être avec maman. Oui, Anne-Marie. Mais vois-tu, à l'avenir, je ne pourrai plus être si souvent avec eux. Les petits-enfants s'habituent à tout. Crois-tu cela? Crois-tu qu'ils oublieraient leur maman si elle s'en allait pour toujours? Comment que Dieu nous en préserve pour toujours? Dis-moi, Anne-Marie, je me suis souvent demandé une chose. Comment as-tu eu le courage de confier ton enfant à des étrangers? Il a bien fallu pour être nourrice de la petite Nora. La pauvre petite Nora n'avait pas d'autre mère que moi. Et si les petits n'en avaient pas non plus, je sais bien que tu... Oh, balivernes, que tout cela. Va les rejoindre, il faut que je... Tu vas voir comme je serai jolie demain. Oh, c'est toi, Christine. Il n'y a personne d'autre, n'est-ce pas? Comme tu arrives à propos. Je voulais te prier de m'aider. Asseyons-nous sur le sofa. Voici de quoi il s'agit. Il y aura demain un bal costumé à l'étage au-dessus de nous, chez le consul Stenborg. Et Thorvald veut que je sois déguisée en fille de pêcheur napolitain et que je danse la tarentelle que j'ai apprise à Capri. Ah, tiens, tiens, tu vas donner toute une représentation. Oui, Thorvald le veut, mais voici le costume. Et... Ah. Thorvald me l'a fait faire là-bas, mais il est maintenant si abîmé que... Enfin, oh. Je ne sais vraiment pas. Nous aurons vite arrangé ça. Oh, tiens, j'ai tout à fait oublié de te remercier pour la bonne soirée d'hier. Thorvald a le grand talent de rendre la maison agréable et gentille. Non, toi aussi, il me semble. Tu es bien la fille de ton père. Mais dis-moi, le docteur Rank est-il toujours aussi abattu qu'hier? Non, hier c'était plus évident que de coutume. Tu sais, il est atteint d'une terrible maladie, le malheureux. Il souffre de la moelle épinière. Son père, vois-tu, était un dégoûtant personnage. Il entretenait des maîtresses. Enfin, il y avait encore autre chose à dire. Et c'est pour cela que son fils a été maladif depuis l'enfance, tu comprends? Mais ma chère Nora, qu'est-ce qui te raconte de pareilles histoires? Quand on a eu 3 enfants, on reçoit des visites de certaines dames qui sont à moitié médecins et qui vous racontent bien des choses. Le docteur Rank vient-il tous les jours chez vous? Tous les jours? Il est le meilleur ami de jeunesse de Elmer, et mon ami aussi. Le docteur Rank est pour ainsi dire de la maison. Écoute-moi bien, Nora. Sous plus d'un rapport, tu es une enfant. Moi, je suis plus âgée que toi et j'ai un peu plus d'expérience. Je vais te donner un conseil au sujet du docteur Rank. Il faudrait tâcher de mettre une fin à tout cela. Mettre fin à quoi? À bien des choses. Tu m'as parlé hier d'un riche adorateur qui devait te procurer de l'argent. C'est vrai, mais il n'existe pas, malheureusement. Et puis? Le docteur Rank est-il riche? Oui, il a de la fortune. Et pas de famille? Personne, mais je... Et il vient ici tous les jours? Mais tu le sais bien. Comment un homme comme il faut peut-il être aussi indélicat? Mais je ne te comprends pas du tout. On ne joue pas la comédie, Nora. Crois-tu que je ne devine pas à qui tu as emprunté les 1200 écus? As-tu entièrement perdu la tête? Peux-tu vraiment croire pareille chose? Un ami qui vient ici tous les jours? Ainsi, ce n'est vraiment pas lui? Mais non. Jamais l'idée ne me viendrait de demander au docteur Rank. Du reste, je suis bien sûre que si je lui demandais... Mais naturellement, tu ne le feras pas. Mais non, bien entendu, je n'en prévois pas la nécessité. Mais je suis bien sûre que si je parlais au docteur Rank... À l'insu de ton mari? Il faut que je sorte de cette affaire. Elle aussi s'est faite à son insu. Il faut que cela finisse. Je te le disais hier, mais... Un homme peut plus facilement se débrouiller dans ces sortes d'affaires qu'une femme. Si tu parles du mari, oui. Quand on a tout payé, on vous rend votre quittance, n'est-ce pas? Naturellement. Et on peut la déchirer en mille morceaux. Et la brûler. Le dégoûtant, le sale papier. Nora, tu me caches quelque chose. Tu vois cela à ma figure? Il s'est passé quelque chose depuis hier matin. Nora, dis-moi ce que c'est. Christine... Chut, Thorvald est rentré. Passe dans la chambre des enfants. Thorvald ne peut pas souffrir de voir coudre. Dis à Anne-Marie de t'aider. C'est bien, mais je ne partirai pas avant que tu ne m'aies franchement parlé de tout. Je t'ai attendu, cher Thorvald. Était-ce la couturière? Non, c'était Christine, elle m'aide à arranger mon costume. Tu vas voir comme je ferai de l'effet. Ah oui, oui, j'ai eu là une brillante idée. Une idée superbe. Mais moi aussi, je suis gentille de te complaire. Gentille de complaire à ton mari? Alors, petite folle, je sais bien que ce n'est pas cela que tu voulais dire. Mais je ne veux pas te déranger, tu dois essayer, je pense. Et toi, tu vas travailler? Oui, oui, oui. Tiens, tu vois, je suis allé à la banque. Ah. Thorvald, si le petit écureuil te demandait instamment une chose... Et quoi donc? Tu la ferais, dis. Il faudrait d'abord voir de quoi il s'agit. Si tu voulais être gentil et docile, l'écureuil gambaderait et ferait toutes sortes de drôleries. Bien, dis vite. L'alouette gazouillerait sur tout le temps. L'alouette ne fait que cela. Je danserais pour toi comme les elfes au clair de lune. Nora... Il ne s'agit pourtant pas de ce dont tu as parlé ce matin. Oh, si, Thorvald, je t'en supplie. Et tu as vraiment le courage de m'en parler une seconde fois? Oui. Oh oui, il faut consentir, il faut que Krogstad garde sa place à la banque. Non, ma chère Nora, j'ai destiné cette place à Madame Lind. Mais c'est bien gentil à toi, mais tu n'as qu'à renvoyer un autre commis au lieu de Krogstad. Tu as dit toi-même que cet homme écrit dans les plus mauvais journaux. Il pourra te faire tant de mal. Nous pourrions être si bien, si tranquilles, si heureux dans notre paisible nid, toi, moi et les enfants. Voilà pourquoi je te supplie si instamment. C'est justement parce que tu parles en sa faveur qu'il m'est impossible de le garder. On sait déjà à la banque que je dois congédier Krogstad. Si on apprenait maintenant que la femme du nouveau directeur l'a fait changer d'avis... Eh bien. Et puis... Il y a encore une raison qui rend Krogstad impossible à la banque tant que j'en serai le directeur. Qu'est-ce que c'est? J'aurais pu, à la rigueur, avoir de l'indulgence pour sa tare morale. N'est-ce pas, Thorvald? Surtout, comme on me dit que c'est un bon employé. Mais c'est une vieille connaissance à moi. Une de ces connaissances de jeunesse faites à la légère qui vous gênent si souvent plus tard dans l'existence. Pour tout dire, nous nous tutoyons. Et cet individu est tellement dépourvu de tact qu'il ne s'en cache pas le moins du monde en présence d'autres personnes. Il est temps que ceci finisse. Hélène! Que vas-tu faire? Prendre une décision. Tenez, tenez, Hélène, voici une lettre. Allez sur le champ, trouvez un commissionnaire pour la porter, mais vite, hein, l'adresse est dessus. Voici de l'argent. Bien, monsieur. Voilà. Voilà, madame l'opiniâtre. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Le congé de Krogstad. Oh non, reprends-la, Thorvald. Il en était encore. Thorvald, reprends-la, fais-la pour moi, pour toi-même. Oh, pour les enfants, écoute-moi, Thorvald, fais-la, tu ne sais pas ce qui en résultera pour nous tous. Trop tard. Oh, oui, trop tard. Il le faut, Manora adorée. Advienne que pourra... Dans les moments graves, tu verras que j'ai de la force et du courage et que je prends tout sur moi. Que veux-tu dire? Tout, te dis-je. Jamais, jamais tu ne feras cela. Bien. Alors nous partagerons Nora. Comme mari et femme. C'est ainsi que cela doit être. Et tu devrais maintenant jouer la tarentelle et t'exercer sur le tambourin. Je m'enfermerai dans mon bureau d'où je n'entendrai rien. Tu pourras faire tout le bruit que tu voudras et quand Rank viendra, tu lui diras où je suis. Il serait capable de le faire. Oh, il le fera malgré tout. Oh, jamais, jamais cela. Oh, du secours. Un moyen? Le docteur Rank? Oh, bonjour, docteur. Bonjour. Je vous ai reconnu à votre manière de sonner. Ah, il ne faut pas entrer chez Torvald maintenant, je crois qu'il est occupé. Allez-vous? Oh, vous savez bien, pour vous, j'ai toujours un moment. Ah bien, merci. J'en profiterai aussi longtemps que je le pourrai. Que voulez-vous dire, aussi longtemps que vous le pourrez? Oui. Cela vous effraie? L'expression est étrange. Quelque chose doit donc arriver? Ce que j'ai longtemps prévu. Mais je ne pensais pas que cela viendrait si tôt. Mais qu'y a-t-il? Que vous a-t-on dit, docteur? Vous allez me l'apprendre. Je suis au bas de la côte. Il n'y a rien à faire. Il s'agit de vous. Mais de qui donc? À quoi bon mentir? À quoi bon me mentir à moi-même? Je suis le plus misérable de tous mes patients, Madame Elmer. Ces jours-ci, j'ai entrepris l'examen général de mon état. C'est la banqueroute. Avant un mois, peut-être, je pourrirai au cimetière. Oh, fille, comme c'est laid de parler ainsi. C'est que la chose elle-même est diablement laide. Le pire, c'est pourtant toutes les horreurs qui doivent précéder. Il ne me reste plus qu'un seul examen. Sitôt que je l'aurai fait, je saurai à peu près quand le dénouement commencera. Oh non, aujourd'hui vous êtes par trop extravagant. Et moi qui aurais tant désiré que vous fussiez de très bonne humeur. Avec la mort devant les yeux. Payé pour autrui. Est-ce de la justice, là? Ni dire que dans chaque famille, il existe d'une manière ou d'une autre une liquidation de ce genre. Chut! Soyons gais! Soyons gais. En effet, cela prête à rire. Mon épine dorsale, la pauvre innocente, doit souffrir à cause de la joyeuse vie qu'a menée mon père quand il était lieutenant. Oh, cher, cher docteur, il ne faut pas mourir et nous quitter, Torvald et moi. Non. Ce sera un chagrin dont vous serez bientôt consolé. Ceux qui s'en vont sont si vite oubliés. Vous pensez? On se crée de nouvelles relations, et alors... Qui se crée de nouvelles relations? Vous et Elmer, vous le ferez tous les deux quand je serai parti. Quant à vous, vous avez déjà commencé, il me semble. Y avait-elle affaire ici hier soir, cette Madame Linde? Vous n'allez pas être jaloux de cette pauvre Christine? Si, je le suis. Elle me succédera dans la maison. Quand mon échéance sera venue, cette personne... Chut, pas si haut, elle est là, à côté. Aujourd'hui aussi, vous voyez bien. Rien que pour arranger mon costume, mon Dieu, comme vous êtes absurde. Maintenant, il faut être raisonnable, docteur. Demain, vous verrez comme je danserai gentiment, et vous pourrez vous dire que je ne le fais que pour vous. Oui, et pour Torvald, c'est la façon de dire. Ah, docteur, je vais vous montrer quelque chose. Quoi donc? Voyez plutôt. Regardez. Des bas de soie. Couleur de chair. N'est-ce pas joli? Maintenant, il fait trop sombre, mais demain... Ah non, non, non, non, non, non, vous ne devez voir que la plante des pieds. Oh, et si, pourtant, vous pouvez voir plus haut. Et pourquoi avez-vous cet air de doute? Vous ne croyez pas qu'il m'iront? Sur quoi baser mon opinion? Oh, fille, que vous êtes vilain. Mais quand je suis là avec vous, familièrement, je ne puis comprendre. Non, je ne comprends pas ce que je serais devenu si je n'étais jamais venu dans cette maison. Je crois en effet qu'au bout du compte, vous vous plaisez chez nous. Devoir quitter tout cela. Mais non, vous ne nous quitterez pas. Et n'avoir pas la plus petite preuve de reconnaissance à laisser. À peine un chagrin passager, pas autre chose qu'une place libre qui pourrait être prise par le premier venu. Et si je vous demandais... Non. Si vous me demandiez quoi? Une grande preuve de votre affection. Oui, eh bien. Je veux dire, un énorme service. Et voyons, dites. Eh bien, docteur, il y a une chose qu'il faut m'aider à éviter. Vous savez combien Thorvald m'aime. Il n'hésiterait pas un instant à donner sa vie pour moi. Noah, croyez-vous donc qu'il soit le seul? Comment? Le seul qui donnerait avec joie sa vie pour vous. Vraiment? Je me suis juré que vous le sauriez avant que je m'en aille. Je n'aurais jamais pu trouver une meilleure occasion. Oui, Nora. Et maintenant, vous le savez. C'est vous dire aussi que vous pouvez vous confier à moi comme à personne. Permettez. Nora. Hélène, apporte la lampe. Mon cher docteur, c'est mal. C'est mal ? Vous avoir aimé aussi profondément qu'on peut le faire? Non, mais de l'avoir dit, c'était de trop. Que voulez-vous dire? Que vous le saviez? Ah, merci, Hélène, merci. Nora, Madame Elmay, je vous demande si vous le saviez. Est-ce que je sais? Je ne puis vraiment pas vous le dire. Comment avez-vous pu être aussi maladroit, docteur? Tout allait si bien. Enfin, vous avez maintenant la certitude que je suis à votre disposition, corps et âme. Voulez-vous parler? Après ce que vous venez de dire? Je vous en prie, apprenez-moi ce que c'est. Ah non, c'est fini. Vous ne saurez rien. Si, si, ne me punissez pas ainsi. Laissez-moi vous aider autant que c'est humainement possible. Maintenant, vous ne pouvez plus rien pour moi. Du reste, je n'ai besoin de personne. Vous verrez que ce ne sont là que de pures fantaisies, pas autre chose. C'est évident. Vous êtes vraiment un gentil monsieur, docteur Rank. Vous n'avez pas honte, maintenant que la lampe est allumée, dites. À vrai dire, non. Mais je dois peut-être partir, pour toujours. Pas le moins du monde. Vous viendrez naturellement comme avant. Vous savez bien que Thorvald ne peut pas se passer de vous. Oui. Mais vous? Moi? Oh, tout me semble si amusant, dès que vous êtes là. C'est justement cela qui m'a induit en erreur. Vous êtes une énigme. Souvent, il m'a semblé que vous aviez autant de plaisir à être avec moi qu'avec elle-même. Madame? Oui? Merci. Quelque chose d'ennuyeux? Pas du tout, c'est mon nouveau costume. Comment cela? Et votre costume est là? Oui, oui, celui-là, mais il y en a un autre, je l'ai commandé. Thorvald ne doit rien savoir. Ah, voilà donc le grand secret. Eh oui, entrez bien vite chez lui, il est là dans la pièce du fond. Mais empêchez-le de venir. Oui. Soyez tranquille, il ne m'échappera pas. Et il attend la cuisine? Oui, il est monté par l'escalier de service. Eh bien, fais-le entrer. Mais sans bruit, Hélène. Tu ne le diras à personne. C'est une surprise pour mon mari. Oui. Oui, je comprends. Parlez bas. Mon mari est là. Ah oui? Que voulez-vous? Un renseignement. Bon, parlez vite. Vous savez que j'ai reçu mon congé. Ah oui, je n'ai pas pu l'empêcher, Monsieur Krogstad. J'ai combattu pour votre cause jusqu'au bout, mais rien n'a aidé. Votre mari a-t-il si peu d'amour pour vous? Comment? Il sait ce qui peut arriver et pourtant... Que voulez-vous? Rien. Voir seulement comment vous allez, madame. J'ai pensé à vous toute la journée. Oh. On a beau être un caissier, un avocatier, un individu comme moi, on n'en a pas moins quelque chose qui s'appelle un cœur, après tout. Eh bien, prouvez-le. Pensez à mes petits-enfants. Vos petits-enfants. Votre mari a-t-il pensé aux miens? Mais peu importe. Non, je voulais seulement vous dire de ne pas prendre la chose au tragique, madame. D'abord, je ne déposerai pas de plainte contre vous. Oh non! Oh non, n'est-ce pas? J'en étais sûre. Oui, on peut fort bien terminer cette affaire à l'amiable. Il n'est pas du tout nécessaire que d'autres en soient informés. Cela peut rester entre nous trois. Mais mon mari ne doit jamais rien apprendre. Ah, comment voulez-vous l'empêcher? Pouvez-vous par hasard payer le restant? Mais non, pas tout de suite. Vous avez peut-être trouvé un moyen de vous procurer de l'argent ces jours-ci? Non, pas de moyen que je voudrais employer. Non, mais du reste, cela n'aurait servi à rien. Vous pourriez m'offrir n'importe quelle somme que je ne vous rendrai pas votre engagement. Mais expliquez-moi alors comment vous voulez vous en servir. Je veux simplement le garder, l'avoir en ma possession. Nul étranger n'en saura rien. Ainsi, pour le cas où vous auriez songé à quelque résolution désespérée... J'y ai songé. Ou bien à quitter, et à tout quitter, et à fuir... Oui, j'y ai songé. Ou à faire quelque chose de pire encore... Mais comment pouvez-vous savoir cela? Abandonner ces idées. Mais comment savez-vous que je les ai? Nous les avons presque tous au commencement. Je les ai eus, comme les autres. Mais ma foi, j'ai manqué de courage. Moi aussi. N'est-ce pas? Vous aussi, le cœur vous manque. Ce serait du reste une grande sottise. La première tempête conjugale passée, là, dans ma poche, j'ai une lettre pour votre mari. Vous lui dites tout? Ah oui, mais avec des expressions aussi atténuées que possible. Oh non, il ne doit pas avoir cette lettre. Déchirez-la, je trouverai de l'argent. Ah non, mais je ne demande pas d'argent à votre mari. Mais alors que voulez-vous? Je veux rentrer dans la banque, dans de meilleures conditions qu'avant. Votre mari doit créer un poste pour moi. Jamais il ne fera cela. Il le fera, je le connais. Avant un an, je serai la main droite du directeur. Ce sera Nils Krogstad et non pas Thorvald Elmer qui dirigera la banque. Voilà une chose qui n'arrivera jamais. Vous allez voir. Vous allez voir. Oui, sous la glace du fleuve, peut-être, dans l'abîme humide, sombre et froid. Et au printemps... reparaître à la surface, défiguré, méconnaissable, sans cheveux. Vous ne m'effrayez pas. Vous non plus. On ne fait pas ces choses-là, Madame Elmer. Et puis, à quoi bon? La lettre est dans ma poche. Quand je ne serai plus là? Quand vous ne serez plus là, même votre mémoire sera encore entre mes mains. Voici prévenu, Madame Elmer. Pas de bêtises. Quand votre mari aura reçu ma lettre, j'attendrai son message. Et souvenez-vous bien que c'est lui qui m'a forcé à cette démarche. Et je ne lui pardonnerai jamais. Adieu, madame. Parti. Il ne lui fera pas parvenir cette lettre. Oh non, non, non, c'est impossible. Elle est dans la boîte. La lettre est là. Oh, Thorvald. Thorvald, maintenant nous sommes perdus. C'est tout ce que j'ai pu faire. Ne veux-tu pas essayer? Oh, Christine, viens ici, viens. Est-ce que tu as? Tu es là toute bouleversée. Viens ici, tu... Tu vois cette lettre, là, à travers la fente de la boîte. Oui, je vois bien. Cette lettre est de Krogstad. Nora, c'est Krogstad qui t'a prêté cet argent? Oui. Et maintenant, Thorvald saura tout. Oh, crois-moi, Nora, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous deux. Tu ne sais pas tout. J'ai fait une fausse signature. Grand Dieu. Que dis-tu là? Eh bien, écoute une chose, Christine. Écoute ce que je vais te dire. Il faut que tu me serves de témoin. Témoin de quoi? Dis. Si je devenais folle, cela peut bien arriver. Nora. Ou s'il m'arrivait autre chose et que je ne fusse pas là pour Nora, témoigner. Nora, tu es hors de toi. S'il y avait quelqu'un qui voulait tout prendre, prendre toute la faute sur lui, tu comprends? Oui, mais comment peux-tu croire? Dans ce cas, tu dois témoigner que c'est faux, Christine. Je ne suis pas hors de moi, j'ai tout mon bon sens. Et je te dis, personne d'autre ne l'a su. J'ai agi seule, et toute seule. Souviens-toi de cela. C'est bien, je m'en souviendrai. Mais je ne saisis pas encore. Ah ah, qu'est-ce qu'il y a? N'aie pas peur, nous ne pouvons pas entrer. Tu as verrouillé la porte. Ah, tu essayes sans doute. Oui, oui, j'essaie. Je serai si jolie, Thorvald. Est-ce qu'il demeure tout près d'ici? Oui, mais à quoi bon? Nous sommes perdus, la lettre est dans la boîte. Et ton mari a la clé? Toujours. La Krogstad peut redemander la lettre avant qu'elle soit lue, il peut trouver un prétexte quelconque. Mais c'est justement l'heure où Thorvald a l'habitude de... Amuse-le, va chez lui, je rentre aussitôt que possible. Thorvald? Chez soi, allez, viens, rentre, viens, nous allons voir. Oh, ben voyons, qu'est-ce à dire? Mais quoi, cher Thorvald? Oh, ben Rank m'avait préparé à toute une grande scène en costume. Je l'avais compris ainsi. Il paraît que je m'étais trompé. Mais certainement, personne ne me verra dans tout mon état que demain. Oh, monsieur Norak, tu as l'air fatigué. Aurais-tu répété la danse? Eh non, je n'ai pas encore essayé une seule fois. Il le faudrait bien pourtant. Ah oui, Thorvald, c'est indispensable, mais je ne puis pas faire un pas sans toi, j'ai tout oublié. Ce soir, je suis entièrement à ta disposition. Ah, c'est vrai, il y a d'abord une chose que je dois voir. Que veux-tu faire? Je veux voir seulement s'il est venu des lettres. Ah non, non, non, Thorvald, ne fais pas cela. Mais pourquoi? Oh, Thorvald, je t'en prie, il n'y en a pas. Bon, laisse-moi voir. Non, je ne pourrai pas danser demain si je ne répète pas aujourd'hui avec toi. Quoi? As-tu vraiment si peur, petite Nora? Oui, terriblement peur. Laisse-moi répéter tout de suite, nous avons encore du temps avant de nous mettre à table. Allez, assieds-toi là, cher Thorvald, et joue. Reprends-moi, donne-moi des conseils, comme tu as l'habitude de le faire. Bien volontiers, bien volontiers, puisque tu le désires. Allons, joue. Je veux danser. Doucement, doucement. Ah, impossible. Moins d'emportement, Nora. C'est justement ce qu'il faut. Eh non, non, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je disais? Non, permets-moi. Permets-moi de me mettre au piano. Oh, très volontiers. Comme ça, je pourrais mieux la diriger. Tu as oublié tout ce que je t'avais enseigné. Tu vois bien. Ah, alors tu as grand besoin d'être guidée, hein? Tu vois si j'en ai besoin. Tu me guideras jusqu'au bout. Tu me le promets, Thorvald. Tu petit fier. Ni aujourd'hui ni demain, tu ne dois avoir d'autres pensées que moi. Tu ne dois ouvrir ni lettres, ni boîte aux lettres. Bon, je vois encore là la crainte de cet homme. Eh bien oui, il y a de cela aussi. Ah, Nora, je reconnais cela à ta figure. Il y a là pour sûr une lettre de lui. Je ne sais rien, je le crois, mais il ne faut pas que tu fasses de ces lectures maintenant. Pas une ombre ne doit se mettre entre nous avant que tout soit fini. Il ne faut pas la contrarier. Là, là, mon petit, on fera ce que tu veux. Mais demain, quand tu auras dansé... Tu seras libre. Madame est servie. Ah, apporte le champagne, Hélène. Oui, ah, nous allons faire bonbons, à ce qu'il paraît. Eh oui, non, c'est festin jusqu'à demain. Ah, il y a un peu de praline, Hélène. Une fois n'est pas coutume. Allons, allons, c'est très bien. Il ne faut pas être comme cela, folle des fois. Il faut redevenir ma petite alouette, oui. Gazouillante, comme toujours. Oui, Thorvald, oui. Mais entre là en attendant. Et oui. Vous aussi, docteur. Et toi, Christine, tu m'aideras à remettre ma chevelure en ordre. Mais voyons tout cela. Ça ne fait rien présager de spécial. Mais pas du tout, cher ami. Ce n'est que cette puérile angoisse dont je t'ai parlé. Allez, viens. Hé, parti pour la campagne. Oh, je l'ai vu à ta figure. Il rentre demain soir, je vais laisser un billet. Oh, tu n'aurais pas dû faire cela. Il ne faut rien empêcher. Au fond, c'est une jouissance que d'attendre l'épouvante. Qu'attends-tu? Tu ne comprendrais pas. Allez, va les rejoindre. Je viens à l'instant. Il est 5 heures. D'ici à minuit, 7 heures. Puis 24 heures jusqu'à minuit prochain. Alors la tarentelle sera dansée. 24 et 7. J'ai 31 heures à vivre. Et qu'est-ce qu'elle fait, la petite Alouette? La voici! Ah! Thank you. Il ne vient pas. Il est grand temps, cependant. Oh, pourvu qu'il... C'est lui. Entrez. Je suis seule. J'ai reçu un billet de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut absolument que je vous parle. Vraiment? Et c'est ici que l'entretien doit avoir lieu. Je ne pouvais pas vous recevoir chez moi, je n'ai pas d'entrée séparée. Venez, nous sommes seuls. Les Helmer sont au bal chez les voisins du second. Tiens, tiens. Les Helmer dansent ce soir? Comment, c'est bien vrai? Qu'y a-t-il d'étonnant à cela? Rien, rien. Voyons, Krogstad. Nous avons à causer. Nous deux. Qu'aurions-nous encore à nous dire? Bien des choses. Je ne l'aurais pas cru. C'est que vous ne m'avez jamais bien comprise. Oh, c'était pas difficile à comprendre. Pareille chose arrive tous les jours. Une femme sans cœur est conduite un homme quand il se présente un parti plus avantageux. Croyez-vous donc tout à fait sans cœur? Croyez-vous aussi qu'il ne m'en ait pas coûté de rompre? Vraiment? Avez-vous réellement cru cela, Krogstad? S'il n'en était pas ainsi, pourquoi m'avez-vous écrit comme vous l'avez fait? Je ne pouvais pas agir autrement. Voulant rompre, j'avais le devoir d'arracher de votre cœur tout ce que vous ressentiez pour moi. Ah, c'est ainsi. Et alors tout cela, c'était qu'une question d'argent. Vous ne devez pas oublier que j'avais alors une mère à soutenir et deux petits frères. Nous ne pouvions pas vous attendre. Vous n'aviez alors que des perspectives si lointaines. Admettons. Cependant, vous n'aviez pas le droit de me repousser pour un autre. Je ne sais pas. Je me suis souvent demandé ça. Quand je vous ai perdu, c'est comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Regardez-moi. Je suis comme un naufragé cramponné à une épave. Le salut n'est peut-être pas loin. Il était là, et vous êtes venu me l'enlever. Ça a été à mon insu. Aujourd'hui seulement, j'ai appris que c'était vous que j'allais remplacer à la banque. Je vous crois, puisque vous me le dites, mais maintenant que vous le savez, vous n'y renoncerez pas? Non. Ça ne vous servirait à rien. Ah, mais je le ferai tout de même à votre place. J'ai appris à agir raisonnablement. La vie me l'a enseigné. Et l'âpre nécessité. Et moi, la vie m'a appris à ne pas me fier aux paroles. En ça, elle vous a donné une très sage leçon. Mais les actions, vous vous y fiez pourtant. Que voulez-vous dire? Vous êtes, avez-vous dit, un naufragé, cramponné à une épave. Oui, j'ai de bonnes raisons pour parler ainsi. Et moi aussi, je suis une naufragée, cramponnée à une épave. Personne à qui me dévouer, personne qui ait besoin de moi. Ah, mais vous l'avez voulu. Je n'avais pas le choix. Enfin, où voulez-vous en venir? Si ces deux naufragés se tendaient la main. Hein? Qu'en pensez-vous? Mais que dites-vous là? Ne vaut-il pas mieux se réunir sur la même épave? Christine. Quelle est, croyez-vous, la raison qui m'a amenée ici? Comment auriez-vous pensé à moi? Il me faut travailler pour pouvoir supporter l'existence. Tous les jours de la vie, aussi loin que vont mes souvenirs, je les ai passés au travail. C'était ma meilleure et mon unique choix. Maintenant, me voici seule au monde. Je sens un abandon, un vide affreux. Ne songer qu'à soi, ça détruit tout le charme du travail. Oh, voyons, trouvez-moi pour qui et pourquoi travailler. Non, je ne vous crois pas. Il n'y en a qu'un orgueil de femme qui s'exalte et veut se sacrifier. M'avez-vous jamais connu exalté? Enfin, pourriez-vous faire vraiment ce que vous dites? Avez-vous connaissance de tout mon passé? Oui. Comment vous connaissez ma réputation, ce qu'on dit de moi? Si je vous ai bien compris tout à l'heure, vous pensez que j'aurais pu vous sauver? Mais oui, j'en suis certain. N'est-ce pas à refaire? Christine. Christine, vous avez bien réfléchi à ce que vous dites. Oui. Oui, je le vois à votre visage. Ainsi, vous auriez le courage... Oh, j'ai besoin d'un être à qui tenir lieu de mère. Et vos enfants ont besoin d'une mère. Nous aussi, nous sommes poussés l'un vers l'autre. J'ai foi en ce qui gît au fond de vous. Avec vous, rien ne me fera peur. Merci, Christine. Merci. Maintenant, il s'agit de me relever aux yeux du monde et je saurai le faire. Ah, mais... J'oubliais. La tarentelle! Non, sortez! Sortez vite! Mais pourquoi? Mais vous entendez cette musique, la danse finie, ils vont rentrer! Bon, je m'en vais. Vous ignorez bien entendu ma démarche contre les Helmer. Vous vous trompez. Je la connais. Comment? Et vous aviez le courage? Oh, je sais où le désespoir peut pousser un homme comme vous. Oh, si je pouvais réparer. Vous le pouvez. Votre lettre est encore là, dans la boîte. Comment, vous en êtes sûr? Oui. Mais je... Est-ce l'explication? Ah, vous vouliez sauver votre ami à tout prix. Vous feriez mieux de me l'avouer franchement. Oh. Est-ce vrai? Oh, écoutez, quand on s'est une fois vendu pour sauver quelqu'un, on ne recommence plus. Je vais redemander ma lettre. Mais non. Mais si, cela va de soi. J'attends la rentrée de Helmer et je lui dis que je veux revoir ma lettre, qu'elle ne traite que de mon congé, qu'il n'a que faire de la lire. Non! Vous ne redemanderez pas cette lettre. Mais cependant, n'est-ce pas pour la reprendre que vous m'avez fait venir ici? Si. Alors? Dans le premier moment d'alarme. Mais 24 heures se sont écoulées. Et pendant ce temps, j'ai vu se passer ici des choses incroyables. Il faut que Helmer sache tout. Ce fatal mystère doit se dissiper. Il faut qu'il s'explique. Assez de cacheteries, de fous fuyants. Bien. Bien, alors si vous le prenez sur vous... Mais il y a une chose que je puis faire en tout cas et qu'il faut faire tout de suite. Dépêchez-vous. Non, partez, la danse est finie, nous ne sommes plus en sûreté. Bon, je vous attends en bas. Oui, bien, vous m'accompagnerez jusqu'à ma porte. Oui. Je n'ai jamais été aussi heureux, Christine. Oh. Quel avenir! Quelle perspective nouvelle! J'ai pour qui travailler, pour qui vivre, un foyer à soigner. Oh, c'est que je vais m'y mettre! On les voici. Vite, mon manteau. Non, je ne veux pas rentrer, je veux remonter. Je ne veux pas me retirer si tôt. Allons, Nora, allons. Oh, je t'en prie, Thorvald, je t'en supplie. Rien qu'une heure encore. Non, pas une minute, chère petite Nora. Tu sais nos conventions. Allez, entre, tu prends froid. Bonsoir. Christine. Quoi, c'est Madame Linde? Vous, ici, si tard. Oh, excusez-moi, j'avais une telle envie de voir Nora dans ses beaux atours. Tu m'as attendue ici tout ce temps? Oui, je suis venue malheureusement trop tard, tu étais déjà montée. Je n'ai pas voulu partir sans t'avoir vue. Mais en ce cas, regardez-la bien, je pense qu'elle en vaut la peine. Hein? Elle est jolie, n'est-il pas vrai, Madame Lynn? En vérité. Merveilleusement jolie, n'est-ce pas? C'était aussi la vie de tout le monde là-haut. Mais quel est entêté, ce cher petit ange? Et que faire contre cela, hein? Croyez-vous que j'ai dû presque employer la force pour qu'elle quitte le bal? Oh, Thorvald, tu te repentiras de ne pas m'avoir accordé, ne fût-ce qu'une demi-heure. Vous entendez, Madame Linde? Elle danse sa tarentelle, elle a un succès fou et bien mérité, bien qu'elle eût peut-être mis trop de naturel. Enfin, je veux dire un peu plus que ne le comportaient strictement les exigences de l'art. Mais enfin, le principal est qu'elle a eu du succès, un succès colossal. Alors, devais-je la laisser rester après ça? Cela aurait diminué l'effet, non? Merci bien. Comment, il n'y a pas de lumière? Oh, c'est vrai. Excusez-moi, hein? Eh bien, je lui ai parlé. Alors? Nora, il faut tout dire à ton mari. Oh, je le savais. Mais tu n'as rien à craindre de Krogstad, mais il faut que tu parles. Non, je ne parlerai pas. C'est dans la lettre qui parlera pour toi. Merci, Christine. Je sais maintenant ce qu'il me reste à faire. Chut. Eh bien, madame, l'avez-vous bien admiré? Oui, et maintenant, je vais vous souhaiter la bonne nuit. Déjà? Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Vous retrouvez votre chemin, j'espère. Je voudrais bien vous être si près. Hein. Bonsoir. Eh bien, très bien, la voilà partie, enfin. Oh, elle est joliment ennuyeuse, cette femme. N'es-tu pas très fatigué, Thorvald? Non, non, pas le moins du monde. Tu n'as pas sommeil non plus? Pas du tout. Je me sens au contraire très éveillé. Hein? Et toi? En effet, tu as l'air d'être fatigué d'avoir sommeil. Oui, oui, oui, je suis très fatiguée. Maintenant, je sens que je dormirai bientôt. Ah bah, tu vois bien, j'avais raison de ne pas vouloir rester plus longtemps. Tu as toujours raison dans tout ce que tu fais. Ah, voici que l'alouette commence à parler comme un homme. Dis-moi, as-tu remarqué que Morank était gay ce soir? Vraiment? Non, je n'ai pas eu l'occasion de lui parler. Oh, je ne vais presque pas parler non plus, mais il y a longtemps que je ne l'avais pas vu de si bonne humeur. Oh, que c'est bon pourtant d'être rentré chez soi. Ah, d'être seul avec toi. Ah, oh, la jolie, l'enivrante petite femme que tu es. Oh, ne me regarde pas comme cela, Thorvald. Quoi, je ne regarderai pas mon plus cher trésor? Cette splendeur qui est à moi, rien qu'à moi. Tout à moi. Non, il ne faut pas me parler comme cela ce soir. Toi, tu as encore de la tarentelle dans le sang, ce que je vois. Tu n'en es que plus séduisante. Écoute. Voici les invités qui s'en vont. Nora. Nora, bientôt tout se taira dans la maison. Oui, j'espère. N'est-ce pas, ma bien-aimée Nora? Ah, quand nous sommes dans le monde comme ce soir. Pourquoi? Sais-tu pourquoi je te parle si peu? Pourquoi je me tiens éloignée de toi? Me contentant de te jeter quelquefois un regard à la dérobée, sais-tu pourquoi? C'est que j'aime à me figurer que tu es mon amour secret, ma jeune, ma mystérieuse fiancée, que tout signe nos liens. Oui. Je sais bien que toutes tes pensées vont à moi. Durant toute cette soirée, je n'ai fait que soupirer après toi. Quand je t'ai vue dans la tarentelle poursuivre et provoquer, j'ai senti bouillir mon sang. Je n'y tenais plus. C'est pour cela que je t'ai entraîné si tôt. Non, va-t'en, Thorvald, il faut me quitter. Je ne veux pas de cela. Quoi, qu'est-ce à dire? Tu te moques de moi, petite Nora. Tu ne veux pas, dis-tu? Ne suis-je pas ton mari? Non, as-tu entendu? Quoi, qui est là, hein? C'est moi. Depuis j'entre un moment, qu'est-ce qu'il veut donc, celui-là? Bon, attends un peu. Ah, c'est gentil à toi de ne pas passer devant notre porte sans frapper. J'ai voulu entendre ta voix, alors j'ai voulu rentrer un instant. Ah, rentre. Le voici donc, ce foyer si cher, si familier. Hein, vous avez chez vous la paix et le bien-être, heureux que vous êtes. Ouais, tu ne paraissais pas te déplaire là-haut non plus. Je m'y plaisais extrêmement. Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas jouir de tout ici-bas? Au moins tant et si longtemps qu'on peut. Ouais. Le vin était exquis. Et le champagne, surtout. Docteur Rank, vous avez dû étudier quelques cas scientifiques aujourd'hui. Justement. La petite Nora qui parle de cas scientifiques. Et peut-on vous féliciter du résultat? Non, certainement, oui. Un succès? Le meilleur pour le médecin comme pour le malade. La certitude. La certitude? Une certitude entière. N'avais-je pas droit à une joyeuse soirée après cela? Sans doute, docteur. Oui, c'est également mon avis, pourvu qu'il ne t'en cuise pas demain. Tout se paye dans cette vie. Docteur, vous devez bien aimer les mascarades. Oui, quand on y rencontre beaucoup de costumes grotesques. Voyons, quel costume mettrons-nous la prochaine fois? Vous et moi. Oh, la petite folle, elle songe déjà à la prochaine mascarade. À la prochaine mascarade, je serai en invisible. Quelle farce! Mais il y a un grand chapeau. Non, mais as-tu entendu parler d'un chapeau qui rend invisible? On le met sur sa tête et personne ne nous voit. Bien, tu as raison. Allez. Ouais, mais j'oublie entièrement pourquoi je suis venu. Ah, Elmer, donne-moi un cigare. Un de tes Havanes foncé. Mais avec le plus grand plaisir. Voilà. Ah, merci. Laissez-moi vous offrir du feu. Ah, merci. Ah. Et maintenant, adieu. Adieu, mon cher ami. Dormez bien, docteur Rank. Je vous remercie pour ce souhait. Souhaitez-moi la même chose. À vous. Allons, puisque vous le voulez. Dormez bien. Merci. Et merci pour le feu. Allez, bonne nuit. Dis donc, il avait joliment bu. Hein? Mmh. Peut-être bien. Ah. Thorvald, que vas-tu faire? Je veux vider la boîte aux lettres. Elle est toute pleine. Il n'y aura pas de place pour les journaux demain matin. Tu veux travailler cette nuit? Oh, tu sais bien que non. Et qu'est-ce que ça veut dire? On a touché à la serrure? À la serrure? Alors, il n'y a pas de doute. Mais qu'est-ce que ça signifie? Enfin, je ne peux pas croire que les bonnes... Ah, puis voici un bout d'épingle à cheveux. Bon, Nora, c'est une de tes épingles. Mais ce sont peut-être les enfants. Tu devrais vraiment leur ôter cette habitude. Ah, allez, la voici ouverte tout de même. Oh là là, regarde ça ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette lettre. Non, Thorvald. Deux cartes de visite de Rank. Du docteur? Rank, docteur en médecine. Elles étaient sur les lettres, ils les ont achetées en sortant. Y a-t-il quelque chose d'écrit? Une grande croix au-dessus du nom, regarde. Quelle vilaine plaisanterie, comme s'il faisait part de sa mort. C'est ce qu'il fait en réalité. Quoi? Mais que sais-tu? T'a-t-il dit quelque chose? Oui. Les cartes signifient qu'il a pris congé de nous pour toujours. Il veut s'enfermer et mourir. Oh. Oh, mon pauvre ami. Et vous savez que je ne le garderai pas longtemps. Mais si tôt que cela, il va se terrer comme un animal blessé. Si cela doit se faire, il vaut mieux que cela se fasse sans une parole, n'est-ce pas, Thorvald? Il était devenu de la famille. Je ne peux pas me le représenter parti. Allons, cela vaut peut-être mieux, du moins pour lui. Et peut-être aussi pour nous, Nora. Maintenant, nous voici exclusivement voués l'un à l'autre. Oh, ma bien-aimée, ma femme. Je ne te serrerai jamais assez étroitement. Tu sais, Nora, souvent je te voudrais menacer d'un danger pour pouvoir exposer ma vie, donner mon sang, risquer tout pour te protéger. Maintenant, lis tes lettres, Thorvald. Non, pas cette nuit. Je veux rester avec toi, ma chère petite femme. Avec l'idée de la mort de ton ami. Eh oui, tu as raison. Cela nous a remué tous les deux. Quelque chose de laid s'est glissé entre nous. L'idée de la mort et de la dissolution. Il faut que nous cherchions à nous en affranchir. Jusque-là, nous allons nous retirer chacun chez soi. Bonsoir, Thorvald. Bonsoir. Bonsoir, mon petit oiseau chanteur. Dors en paix, Nora. Dors en paix. Je vais parcourir les lettres. Plus jamais le revoir. Jamais, jamais. Et les enfants ne plus les revoir, eux non plus. Oh, cette eau glacée noire, cette chose sans fond. Oh, si c'était passé seulement. Maintenant, il la prend, il la lit. Oh non, pas encore. Adieu, Thorvald. Toi et les enfants. Nora! Ah! Que veux dire? Sais-tu ce que contient cette lettre? Oui, je le sais. Laisse-moi partir. Où vas-tu? Laisse-moi m'en aller. Tu ne me sauveras pas, Thorvald. C'est donc vrai, cette lettre dit vrai. Horreur, non. Non, c'est impossible, cela ne se peut pas. C'est la vérité, je t'ai aimé plus que tout au monde. Trêve de niaiserie! Thorvald! Malheureuse, que tu osais faire! Laisse-moi partir, tu ne porteras pas le poids de ma faute. Tu ne répondras pas pour moi. Pas de comédie! Tu resteras là et tu me rendras compte de tes actes. Comprends-tu ce que tu as fait, dit? Le comprends-tu? Maintenant, je commence à comprendre. comprendre le fond des choses. Oh, le terrible réveil, 8 années durant. Elle, ma joie et mon orgueil. Une hypocrite, une menteuse, pire que cela, une criminelle. Quel abîme de laideur que tout cela fit, non ? J'aurais dû pressentir qu'il m'arriverait quelque chose de ce genre. J'aurais dû prévoir cela. Avec la légèreté des principes de ton père et ces principes, tu en as hérité. Absence de religion, absence de morale, absence de tout sentiment du devoir. Maintenant, tu as détruit mon bonheur, tu as anéanti tout mon avenir. Je ne puis y penser sans frémir. Me voici dans les mains d'un homme sans scrupules. Il peut faire avec moi tout ce qu'il veut, me demander quoi que ce soit, commander, ordonner à sa guise sans que j'ose souffler mot. Ainsi, je puis être réduit à rien, couler à fond par la légèreté d'une femme. Quand j'aurai quitté ce monde, tu seras libre. Ah, pas de grands mots! Ton père aussi en avait toute une provision. À quoi cela me servirait-il si tu quittais ce monde, comme tu dis, à rien? Il pourrait y profiter la chose, malgré cela, et en ce cas, on me soupçonnerait peut-être d'avoir été complice de ta criminelle action. Et tout cela est si incroyable que je ne m'y retrouve pas. Oh! Ah, mais il faut aviser. Allez, ôte ce châle. Ôte-le, te dis-je. Il faut que je le contente d'une façon ou d'une autre. Il s'agit d'étouffer l'affaire à tout prix. Et en ce qui concerne notre intérieur, rien ne doit sembler changer entre nous. Il ne s'agit bien entendu que des apparences. Tu continueras donc à demeurer ici, cela va sans dire. Mais il te sera interdit d'élever les enfants. Je n'ose pas te les confier. Ah, oh, devoir parler ainsi à celle que j'ai tant aimée. Et qui encore? Ah! Oh. Allons. Allons, tout cela est passé, il le faut. Dorénavant, il ne s'agit plus de bonheur, mais uniquement de sauver des restes, des débris, des apparences. Quoi, qu'est-ce que c'est? Sita. Serait-ce déjà... Aurait-il... Et cache-toi, Nora. Cache-toi. Dis-toi malade. Une lettre pour madame. Donnez-la moi. Oui. Oui, elle est bien de lui. Donne-moi. Non, tu ne l'auras pas. Je veux la lire moi-même. Lis. J'en ai à peine le courage. Peut-être sommes-nous pris l'un et l'autre. Non, non. Ah non, non, non, non, non, non, non, non, il faut que je sache. Nora! Nora! Non, non, non, non, relisons encore. C'est bien cela. Je suis sauvé. Nora! Nora, je suis sauvé! Et moi? Mais toi aussi, bien entendu. Nous sommes sauvés l'un et l'autre. Regarde, il te restitue ton reçu. Il regrette, dit-il. Il se repent. Un heureux événement venant à changer son existence. Ah, peu importe ce qu'il écrit, nous sommes sauvés, Nora. Personne ne peut plus te nuire. Voilà, tout a disparu. Il t'écrivait que depuis la veille de Noël, tu... Oh, oh, ces 3 jours. Ces 3 jours, quelle épreuve ça a dû être pour toi, Nora. J'ai soutenu une lutte violente durant ces 3 jours. Oh, ma pauvre petite chérie, je comprends. Tu sembles ne pas croire que je t'ai pardonné. Mais c'est pourtant vrai, Nora, je te le jure. Tout est pardonné. Mais je sais bien que ce que tu l'as fait par amour pour moi. C'est vrai. Tu m'as aimé comme une femme doit aimer son mari, seulement le choix des moyens, c'est ce qui t'échappait. Mais crois-tu que tu me sois moins cher parce que tu ne peux pas te guider toi-même? Non, non. Oublie, oublie les dures paroles que je t'ai dites dans les premiers moments d'effroi, quand je croyais que tout allait s'écrouler sur moi. Je t'ai pardonné, Nora. Je te jure que je t'ai pardonné. Je te remercie de ton pardon. Non. Non, reste ici. Pourquoi te diriges-tu vers l'alcôve? Pour ôter ce costume de mascarade. Bien, bien. Eh bien, repose-toi et essaie de calmer ton esprit. de te remettre de cette alerte. Petit oiseau effarouché, repose en paix, j'ai de larges ailes pour te protéger. Oh, que nous avons un calme et charmant intérieur, Nora. Et si tu es à l'abri, je te garderai comme une colombe que j'aurai recueillie après l'avoir retirée saine et sauve des griffes du vautour. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un vrai cœur d'homme, Nora. Il y a pour un homme une telle douceur, un si grand contentement dans la conscience d'avoir pardonné vraiment dans le fond de son cœur. Ne t'inquiète de rien, Nora. Sois seulement franche avec moi et je te tiendrai lieu de volonté et de conscience. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es pas couchée? Tu t'es rhabillée? Eh oui, Thorvald, je me suis rhabillée. Pourquoi cela, cette heure? Cette nuit, je ne compte pas dormir. Ma chérie... Il n'est pas si tard encore. Assieds-toi, Thorvald. Nora, qu'est-ce nous que avons ça... à causer. Qu'est-ce que ça signifie, Nora? Assieds-toi. L'entretien sera long. Nous avons beaucoup à nous dire. Non, tu m'inquiètes, Nora, je ne te comprends pas. Tu dis vrai, tu ne me comprends pas. Et moi aussi, je ne t'ai jamais compris. Avant ce soir. Ne m'interromps pas, écoute ce que je te dis. Écoute... Il s'agit de régler nos comptes. Mais comment l'entends-tu? Nous voici là, l'un en face de l'autre. N'es-tu pas frappé d'une chose? Quoi, que veux-tu dire? Voilà 8 ans que nous nous sommes mariés. 8 années ont passé, et même plus en comptant depuis notre première rencontre. Et nous n'avons jamais échangé une parole sérieuse sur un sujet grave. Bah, aurais-je dû t'initier sans cesse à mes soucis que tu n'aurais pas pu soulager? Je ne parle pas de soucis. Je veux dire que jamais, en quoi que ce soit, nous n'avons cherché en commun à voir au fond des choses. Voyons, ma chérie, était-ce là une occupation pour toi? Nous y voilà. Tu ne m'as jamais compris, Thorvald. On a été très injuste envers moi. Papa d'abord, toi ensuite. Quoi, nous deux? Mais qui donc t'a aimé autant que nous? Vous ne m'avez jamais aimé. Il vous a semblé amusant d'être en adoration devant moi, voilà tout. Mais voyons, Nora, que veut dire ce langage? C'est ainsi, Thorvald. Quand j'étais chez papa, il m'exposait ses idées, je les partageais. Si j'en avais d'autres, je les cachais. Il n'aurait pas aimé cela. Il m'appelait sa petite poupée et jouait avec moi comme je jouais avec mes poupées. Puis je suis venue chez toi. Oh, tu as de singulières expressions pour parler de notre mariage. Je veux dire que des mains de papa, j'ai passé dans les tiennes. Tu as tout arrangé à ton goût et ce goût, je le partageais. Ou bien je faisais semblant. Je ne sais pas au juste, l'un et l'autre peut-être, tantôt ci, tantôt ça. En jetant maintenant un regard en arrière, il me semble que j'ai vécu ici comme vivent les pauvres gens, au jour le jour. J'ai vécu des pirouettes que je faisais pour toi, Thorvald, mais cela te convenait. Toi et papa, vous avez été bien coupables envers moi. À vous la faute, si je ne suis bonne à rien. Tu es absurde, Nora. Absurde et ingrate. Enfin, n'as-tu pas été heureuse ici? Jamais. J'ai cru l'être, mais je ne l'ai jamais été. Tu n'as pas été heureuse? Non, j'ai été gaie, voilà tout. Tu étais si gentille envers moi, mais notre maison n'a pas été autre chose qu'une salle de récréation. J'ai été poupée femme chez toi, comme j'avais été poupée enfant chez papa. Et nos enfants, à leur tour, ont été mes poupées à moi. Je trouvais drôle quand tu jouais avec moi, comme ils trouvaient drôle quand je jouais avec eux. Voilà ce qu'a été notre union, Thorvald. Il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis. Et à l'avenir, cela changera. Le temps de la récréation est passé. Maintenant vient celui de l'éducation. L'éducation de qui? La mienne ou celle des enfants? Et l'une et l'autre, ma chérie. Hélas, Thorvald, tu n'es pas homme à m'élever pour faire de moi la véritable épouse qu'il te faut. C'est toi qui dis cela? Et moi, comment suis-je préparée à élever les enfants? Nora... Ne le disais-tu pas tout à l'heure que c'est une tâche que tu n'oses me confier? Je l'ai dit dans un instant d'irritation. Vas-tu maintenant relever cela? Mais mon Dieu, tu l'as très bien dit. C'est là une tâche au-dessus de ma portée. Mais il en est une autre dont je dois m'acquitter d'abord. Je veux songer avant tout à m'élever moi-même. Et tu n'es pas homme à me faciliter cette tâche. Je dois l'entreprendre seule. Voilà pourquoi je vais te quitter. Qu'est-ce que tu dis? Oui, il me faut être seule pour me rendre compte de moi-même et de tout ce qui m'entoure. Aussi ne puis-je rester avec toi. Nora! Nora! Je vais m'en aller tout de suite. Je trouverai bien un abri chez Christine cette nuit. Mais tu perds l'esprit. Tu n'as pas le droit de t'en aller. Je te le défends. Tu ne peux rien me défendre désormais. J'emporte tout ce qui est à moi. De toi, je ne veux rien tenir. Ni maintenant, ni jamais. Mais que veut dire cette folie? Demain, je pars pour chez moi. Je parle de mon pays d'origine. J'y trouverai plus facilement à vivre. Mais aveugle que tu es, pauvre être sans expérience. Je chercherai à me créer de l'expérience, Thorvald. Mais abandonner ton foyer, ton mari, tes enfants, tu ne songes pas à ce qu'on en dira. Moi, je ne puis pas m'arrêter à cela. Je sais seulement que pour moi, c'est indispensable. Mais c'est révoltant. Ainsi, tu trahirais les devoirs les plus sacrés. Que considères-tu comme mes devoirs les plus sacrés? Mais j'ai besoin de te le dire. Ne songe pas tes devoirs envers ton mari et tes enfants. J'en ai d'autres, tout aussi sacrés. Mais tu n'en as pas. Quels seraient ces devoirs? Mes devoirs envers moi-même. Mais avant tout, tu es épouse et mère. Je ne crois plus à cela. Je crois qu'avant tout, je suis un être humain, au même titre que toi. Ou au moins que je dois essayer de le devenir. Je sais que la plupart des hommes te donneront raison, Thorvald, et que ces idées-là sont imprimées dans les livres. Mais je n'ai plus le moyen de songer à ce que disent les hommes et à ce qu'on imprime dans les livres. Il faut que je me fasse moi-même des idées là-dessus et que j'essaie de me rendre compte de tout. Quoi? Tu ne te rendrais pas compte de ta place au foyer? N'as-tu pas dans ces questions un guide infaillible? N'as-tu pas la religion? Hélas, Thorvald, la religion, je ne sais pas au juste ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est? Là-dessus, je ne sais que ce que m'en a dit le pasteur Hansen en me préparant à la confirmation. La religion, c'est ceci, c'est cela. Et quand je serai seule et affranchie, je vais examiner cette question comme les autres. Je verrai si le pasteur disait vrai, ou du moins si ce qu'il m'a dit était vrai par rapport à moi. Oh, voilà qui est inouï de la part d'une si jeune femme. Mais si la religion ne peut pas te guider, laisse-moi du moins sonder ta conscience. Car je suppose que tu possèdes du moins le sens moral. Ou peut-être en es-tu dépourvu, réponds-moi. Mais vois-tu, Thorvald, il m'est difficile de répondre. Je n'en sais rien. Je ne peux pas me retrouver dans tout cela. Je ne sais qu'une chose, c'est que mes idées diffèrent entièrement des tiennes. J'apprends aussi que les lois ne sont pas ce que je croyais. Mais que ces lois soient justes, c'est ce qui ne peut m'entrer dans la tête. Une femme n'aurait pas le droit d'épargner un souci à son vieux père mourant ou de sauver la vie à son mari. Ça ne se peut pas. Mais tu parles comme un enfant, tu ne comprends rien à la société dont tu fais partie. Et non, je n'y comprends rien. Mais je veux y arriver et m'assurer qui des deux a raison, de la société ou de moi. Tu es malade, Nora, tu es malade, tu as la fièvre. Je croirais presque que tu n'es pas dans ton bon sens. Et je me sens cette nuit plus lucide et plus sûre de moi que je n'ai jamais été. Et c'est avec cette assurance et en toute lucidité que tu abandonnes ton mari et tes enfants. Oui. Il n'y a qu'une explication possible. Laquelle? Tu ne m'aimes plus. C'est bien cela. Voilà en effet le nœud de tout. Nora. Et c'est ainsi que tu le dis? Ça me fait tant de peine, Thorvald, car tu as toujours été si bon envers moi. Mais je n'y puis rien. Je ne t'aime plus. Cela aussi, n'est-ce pas? Tu en es parfaitement convaincue. Absolument. Voilà pourquoi je ne veux plus demeurer ici. Et peux-tu m'expliquer comment j'ai perdu ton amour? Certainement. C'est ce soir, quand je n'ai pas vu s'accomplir le prodige espéré. J'ai vu alors que tu n'étais pas l'homme que je croyais. Explique-toi, je ne comprends pas. Pendant 8 années, j'ai patiemment attendu. Je savais bien, mon Dieu, que les prodiges ne s'accomplissent pas tous les jours. Mais enfin, 27 heures d'angoisse. Je pensais alors avec certitude, voici venir le prodige. Pendant que la lettre de Krogstad était là dans la boîte, je n'ai pas songé un instant que tu pouvais te plier aux conditions de cet homme. Je croyais si fermement que tu lui dirais, allez, et publiez tout. Et quand cela aurait eu lieu... Eh bien oui, quand j'aurais livré ma femme à la honte et au mépris... Quand cela aurait eu lieu et j'étais entièrement sûre que tu allais paraître, prendre tout sur toi et dire... Je suis coupable. Nora. Tu vas dire que je n'aurais pas accepté un tel sacrifice, sans doute, mais qu'aurait signifié mon affirmation à côté de la tienne. Eh bien, c'était là le prodige que j'espérais avec terreur. Et c'est pour empêcher cela que je voulais mourir. Mais c'est avec bonheur, Nora, que j'aurais travaillé pour toi nuit et jour. J'aurais tout supporté, soucis et privations. Mais il n'y a personne qui offre son honneur pour l'être qu'il aime. Des milliers de femmes l'ont fait. Ou tu penses comme un enfant, tu parles de même. Admettons. Mais tu ne penses pas, toi, et tu ne parles pas comme l'être qu'il me serait possible de suivre. Une fois rassurée, non sur le danger qui me menaçait, mais sur celui que tu courais toi-même, tu as tout oublié. Je suis redevenue ton petit oiseau chanteur, ta poupée que tu étais tout prêt à porter sur tes bras comme avant, avec d'autant plus de précaution que tu l'avais reconnue plus fragile. Écoute, Thorvald, en ce moment-là, il me parut que j'avais vécu 8 années dans cette maison avec un étranger, et que j'avais eu 3 enfants. Je ne puis pas seulement y penser. J'ai envie de me déchirer moi-même en mille morceaux. Je le vois, hélas, je le vois bien. Un abîme s'est creusé entre nous. Mais dis-moi... Dis-moi, Nora, ne peut-il pas être comblé? Telle que je suis maintenant, je ne puis être ta femme. J'ai la force de me transformer. Peut-être, si on t'enlève ta poupée. Se séparer de toi... Non. Non, Nora, je ne peux pas accepter cette idée. Raison de plus pour en finir. Pas encore, Nora, pas encore. Attends à demain. Je ne puis passer la nuit sous le toit d'un étranger. Mais ne pouvons-nous continuer à vivre ensemble comme frères et sœurs? Oh, tu sais bien que cela ne durerait pas longtemps. Allez. Adieu, Thorvald. Je ne veux pas voir les enfants. Je les sais dans de meilleures mains que les miennes. Telle que je suis maintenant, je ne puis pas être une mère pour eux. Mais un jour, Nora. Un jour. Comment te répondre? Je ne sais pas ce que je deviendrai. Mais tu es ma femme, quoi que tu sois ou que tu deviennes. Écoute, Thorvald, quand une femme quitte le domicile conjugal comme je fais aujourd'hui, les lois, m'a-t-on dit, dénouent le mari de tout engagement envers elle. Je sais en tout cas que moi, je t'en tiens quitte. Il ne faut pas que tu te sentes liée, pas plus que je ne le demeure moi-même. Liberté entière, de part et d'autre. Tiens, voici ton anneau. Rends-moi le mien. Quoi, cela aussi? Oui. Tiens. Merci. Maintenant, tout est fini. Je laisse les clés là. Pour ce qui concerne le ménage, la bonne est au courant. Elle l'est mieux que moi. Demain, après mon départ, Christine viendra ranger dans une malle tout ce que j'ai apporté avec moi en venant ici. Je veux qu'on me l'expédie. Tout est fini. Ne veux-tu plus jamais penser à moi, Nora? Je penserai souvent à toi, bien sûr. Et aux enfants. Et à la maison. Puis-je t'écrire, Nora? Non, jamais, je te le défends. Je peux bien t'envoyer... Rien. Mais t'aider si tu en as besoin. Non, te dis-je. Je n'accepte rien d'un étranger. Nora. Ne serais-je plus jamais qu'un étranger pour toi? Oh, Thorvald, il faudrait pour cela le plus grand des prodiges. Et nomme-le, ce prodige. Il nous faudrait à tous deux nous transformer à tel point... Thorvald, je ne crois plus au prodige. Mais moi, je veux y croire. Nomme-le. Nous devons nous transformer à tel point que... À tel point que notre union devienne un vrai mariage. Adieu. Nora. Nora. Elle est partie. Le plus grand des prodiges. Mes amis, la pièce que nous venons de diffuser a été créée en France en 1894 au Théâtre du Vaudeville avec Madame Réjeanne dans le rôle de Nora. Si vous permettez, je crois qu'elle a été créée en 1892, d'abord dans un salon chez Madame Aubernon. Oui, mais cher François, je vous propose tout de même de parler des performances professionnelles et non pas de spectacles d'amateurs. C'est intéressant de savoir si c'est privé. Oui. De toute façon, même cette représentation au Vaudeville n'a été donnée que 3 fois. Bon. Mais nous avons devant nous un certain nombre de critiques qui ont paru à l'époque. Et il me semble qu'il serait intéressant de confronter ces critiques avec ce que les auditeurs d'aujourd'hui et vous-même pourront dire de Maison de Poupée. Alors, Renaud-Marie, lisez-nous ce qui a été dit dans l'illustration sous la plume d'Albin Valabrègue, auteur dramatique, soit dit en passant. La pièce est très claire, très émouvante, très scénique, jusqu'au dénouement qui est bizarre, illogique, déconcertant. Détachée de l'œuvre et prise en soi, la scène est admirable, mais l'on est en droit de dire à l'auteur, si c'est cela la pièce, pourquoi n'en avoir fait qu'un dénouement? Pourquoi n'avoir pas, dès le début, abordé l'étude du mariage superficiel? Ludmila Mikhaël, vous avez devant vous l'article de Jules Lemaître paru dans les Annales politiques et littéraires. Oui. Ce n'est point contre l'institution même du mariage que proteste le poète norvégien. C'est contre les conditions qui, dans la pratique, sont imposées au mariage par la nécessité. Bref, il s'insurge contre l'inévitable et l'irréformable. Mais au fait, c'est toujours ainsi. J'avoue du reste que cette rébellion inutile, cette non-acceptation du monde comme il est, n'est pas moins un très vif plaisir intellectuel. En outre, Ibsen défend dans son théâtre avec beaucoup de suite et de vigueur ce que ses commentateurs appellent un peu vaguement l'individualisme, c'est-à-dire, si je comprends bien, les droits de la conscience individuelle en face des lois écrites qui ne prévoient pas les cas particuliers et des conventions sociales souvent hypocrites et qui n'attachent de prix qu'aux apparences. Jean-Paul Mulnau, qu'est-ce qu'on pouvait lire dans les Annales du théâtre et de la musique sous la plume des messieurs Noël et Stouy, qui étaient par ailleurs, d'ailleurs, critiques dans des quotidiens? Dénouement absurde en sa cruauté. D'une pièce dont les deux premiers actes sont charmants dans le détail, dans l'atmosphère ambiante. François Chaumette, vous avez, je crois, un morceau de Roi, la critique de Francisque Sarcey, de célèbre et terrible oncle Sarcey. Maison de poupée me semble être, de toutes les pièces qu'on a représentées devant nous, la mieux faite et la plus intéressante. Je ne crois pas, à vrai dire, qu'elle dût avoir un long succès à Paris si on la jouait dans des conditions ordinaires. Les preuves seraient pourtant curieuses à tenter, mais on doit pour le moment n'en donner que 3 représentations. Le point de départ de la pièce est bien singulier et malaisément acceptable. Vous me direz que j'ai, ou plutôt que le public, a pour habitude de ne jamais chicaner les points de départ quand l'auteur, une fois en route, tire de la donnée des situations pathétiques ou plaisantes. Mais ici, cette donnée pèse sur toute la pièce. On y revient sans cesse. L'impossibilité en est sans cesse remise sous les yeux. J'avais beau connaître la pièce pour l'avoir lue, et surtout pour avoir lu les commentaires enthousiastes dont les journaux sont inondés depuis 8 jours, je ne me doutais pas de l'effet de surprise, de stupeur que m'allait causer le dénouement, à moi comme au public. Car je l'observais curieusement, le public des lundis du Vaudeville, qui est un public de payants, un vrai public. Je ne voyais que des visages consternés. Nora part et le rideau tombe. Mais il n'avait pas été question de cela dans la pièce que je viens de voir jouer. Je cherche effaré dans mes souvenirs. Je retrouve bien par-ci par-là quelques indications à ce sujet, mais comme je n'étais pas prévenu, je n'y ai pas pris garde. Ce dénouement me tombe sur la tête à l'improviste. Et quel dénouement! Ah, alors Nora était un symbole. Elle mère un autre symbole et le docteur Rank un troisième symbole. Tous des symboles. Moi, je n'y avais vu que des personnages de comédie. Voilà. Alors, Ludmila, je vous vois rire en disant cet article. Alors, vous pourrez peut-être prendre la parole. D'ailleurs, cet honneur vous revient de droit puisque vous venez d'interpréter le rôle créé jadis par Madame Réjeanne. Oui. En plus, vous êtes une femme. Oui. Mais non, mais je suis très étonnée qu'il n'ait pas du tout, qu'il ait été étonné par le dénouement. Enfin, du moins, on a l'impression qu'il est étonné parce qu'en fond, c'est une chose qu'il refuse en tant qu'homme. Que ça puisse, une femme puisse avoir le courage, finalement, de décider d'être elle-même et de préférer de tout quitter plutôt que de mentir. Parce que je suis tout à fait d'accord. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Je veux dire qu'à notre époque, enfin, au XXe siècle, on est de plus en plus habitué à ça. Alors, ça nous semble un peu désuet peut-être, parce que maintenant, avec tous les mouvements de libération de la femme, on est vraiment plus qu'habitué. Mais je trouve qu'effectivement, c'était très courageux à l'époque où ça a été écrit. Mais est-ce que vous venez de parler de mouvement de libération de la femme? Est-ce que vous croyez, est-ce que vous considérez Maison de poupée comme une pièce essentiellement féministe? Je sais sais pas, moi, cela dit, je ne pratique pas beaucoup le féminisme. Personnellement, je ne sais pas. C'est essentiel. Je crois que c'est une pièce... C'est important qu'une femme se pose en tant que femme, mais une femme, ce n'est pas... Enfin, pour moi, c'est quelqu'un d'essentiellement différent, mais d'essentiellement qui a les mêmes droits. Oui. Donc, si elle a le même droit, on peut élargir peut-être ces points de vue qui seraient un peu trop étroits si on voulait considérer Maison des poupées comme une pièce essentiellement féministe. Oui, c'est ça. Disons, une pièce sur la libération de l'être humain. De l'être humain, en fait. Si vous voulez... Oui, oui, oui. Quel est votre avis, Claude Winter? Oui, moi, je suis tout à fait de l'avis de Ludmilla. Je trouve surtout que de nos jours, ce n'est pas le dénouement qui étonne, ce sont les deux premiers actes qu'un être puisse se laisser étouffer et vivre comme un objet pendant si longtemps, sans se rebeller et avoir enfin sa personnalité qui éclot peu à peu, enfin, qui a besoin d'éclater. Et alors, les messieurs qui sont tus jusqu'ici, voyons. J'aperçois un sourire un peu narquois de Jean-Paul Moulineau. Non, pas narquois, tout au moins sur ce qui est dit. Sacré 19e siècle et sacré critique qui veulent toujours des dénouements. C'est vieux cette histoire-là, puisqu'on reprochait déjà à Molière ces dénouements, comme si la vie était un dénouement. Mais enfin, ça n'est pas là-dessus que nous ne sommes pas surpris de lire aujourd'hui ces critiques. Mais il faut parler de... l'effet que cela peut produire sur nous aujourd'hui, une telle pièce, ce que ont dit mes camarades, ces dames, ce sont de très bonnes réactions. En effet, ces pièces pouvaient provoquer une certaine surprise à l'époque, non pas sur leur construction, bien sur la construction de cette pièce, bien sûr, qui n'obéit pas à une sorte de façon de l'époque, mais sur la remise en question des lois qui régissent la société, ou qui régissaient la société occidentale. Et vous voyez, il y a déjà longtemps, va bientôt y avoir un siècle, et ces lois ont évolué lentement. C'est par là que la pièce offre un certain intérêt. C'est un document, c'est déjà une sorte de contestation des lois. Pour nous, je ne sais pas, ma réaction d'homme alors, c'est que la pièce ne me paraît pas tellement féministe, en dehors du sujet, qui évidemment n'est pas un point de vue féministe. Mais enfin, pour nous, ça ne nous frappe pas tellement. François ? Moi, je suis à cheval un petit peu entre tout ce qui a été dit. Je crois, moi, au contraire, que la pièce est féministe. Il me semble quand même que l'attitude d'Ibsen vis-à-vis de cette femme, c'est en fait le seul personnage sympathique de la pièce, cette femme. C'est donc qu'il a absolument besoin que ce personnage... imprime un mouvement dans les esprits. Si on la replace dans son époque, je trouve que la pièce est extrêmement courageuse, extrêmement audacieuse, et quand même dans les deux premiers actes, ce fait de montrer cette femme complètement enfermée par cette idée de mensonge, cet acte qui maintenant est un acte léger, une fausse signature, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas grand-chose pour les gens de notre époque, mais une femme qui, à l'époque, se permettait de faire une fausse signature, j'imagine que c'était un crime monstrueux. Et malgré tout, elle nous reste profondément sympathique, et cette espèce de libération, de choix d'elle-même qu'elle fait à la fin, me paraît être un acte de grand courage de la part d'Ibsen. Vis-à-vis de l'époque. Vis-à-vis de l'époque. Son époque, oui. Lorraine Marie, vous avez entendu sous la plume de... Enfin, si on peut dire que vous avez entendu sous la plume, mais Francisque Sarcey parlait des symboles. Donc, Nora est un symbole, Elmer est un symbole. Or, Ibsen, dans une conversation avec son traducteur, le comte Prosor, avait averti les comédiens. Il leur a demandé de ne pas chercher le symbole dans cette histoire. Est-ce qu'à votre avis, c'est une pièce qui... ces personnages sont des symboles ou ce sont des personnages en chair et en os? C'est un avis tout à fait personnel, en effet, je vais vous donner. Moi, je ne pense pas qu'ils soient symboliques du tout. Je crois que ce sont des personnages en chair et en os et je ne vois pas du tout de symbole dans tout ça. Non. Je trouve que ce sont des êtres qui souffrent, qui ont souffert, qui s'affrontent, qui ont des problèmes intérieurs, mais je crois qu'il avait raison. Il faut les jouer... très humain et pas du tout y chercher une idée que l'on doit défendre. Si elle ressort de la pièce, c'est l'auteur qui en est le seul responsable, mais je ne vois pas, a priori, aucun symbole dans ces personnages. Mais le mot symbole, à l'époque, était très à la mode, oui, le symbolisme en poésie, beaucoup le symbolisme qui allait venir en oui, peinture, vrai, peinture enfin, qui était même la pleine époque de peinture. Mais enfin, disons, encore là, voir des Ibsen, qu'il avait fait confiance aux acteurs français en disant « S'il y a Prozor, je suis sûr que les acteurs français ne chercheront pas à midi à 14h et feront de mes personnages des êtres vivants. » Il ne m'appartient pas de vous juger ce soir. Il m'appartient par contre de vous remercier de ce que vous avez fait. C'était « Maison de poupée » d'Henrik Ibsen dans une traduction du conte Prozor. Avec Ludmila Michael, Claude Winter, François Chaumette, Jean-Paul Moulineau, Renaud Marie, Isabelle Anderson, Nadia Vasile. Bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Michel Ristich, collaboration technique Nelly Daillot, assistante de production Florence Courreau. Direction artistique Bronislav Horowitz.